Bon, allez, dans un instant, c'est la réponse à la devinette qui colle. Il y a notre ami Jean-Claude également. Vous savez, c'est un grand tenancier d'un bar un peu douteux qui s'appelle le Fucking Blue Boy, qui va donc téléphoner à des gens pour les emmerder. Et puis, la petite devinette qui colle, la réponse dans un instant. Quand il est cloche, il ne sonne pas. Quand il est melon, on ne le mange pas. Qui est-il? Je donne le premier indice, donc que je vais donner tout à l'heure. Geneviève de Fontenay. Et le second indice, melon et bottes de cuir. Cherche un mot avant. Voilà, 6h52, bonne réponse au 63-22 pour gagner les écrans plats, les packs Nintendo Wii, appareils photonumériques Samsung, micro-chaîne Philips ou encore des places pour le parc Astérix. Vous choisirez un de ces cadeaux-là d'ici quelques instants dès que vous serez passé à l'antenne avec moi pour me donner la bonne réponse. Il est 6h52, bon réveil sur Fun Radio dans toute la Belgique. C'est Mickaël qui vous réveille, Mickaël à la radio jusqu'à 9h30. Et Liquili maintenant, c'est I Follow Rivers sur Fun Radio. Bonne matinée. Le son de Liquili sur Fun Radio ce matin, 6h56, c'était I Follow Rivers. Mickaël à la radio, c'est jusqu'à 9h30, avec les places pour David Guetta qu'on va vous filer pour la soirée de demain. Oui, j'ai eu David au téléphone et il m'a dit, écoute Mickaël, tu pourrais éventuellement faire un peu de promo là pour l'événement. J'ai dit ok, alors c'est bien parce que c'est lui. Hein. C'est pas comme si c'était sold out. Non voilà, non mais c'est bien parce que c'est lui. Non mais cela dit, c'est pas sold out, hein. Il reste des places. Hein. Ouais, les places VIP. Non, il reste des places. Bah, je viens d'aller sur le site, il met qu'il reste plus que les places VIP. Ah bon, bah non, parce qu'il reste vraiment des places pour le coup. Hein. Ah. J'ai eu de sources sûres qu'il reste des places. Donc si vous voulez choper vos places, si vous les gagnez pas ici, sachez qu'il en reste encore pour l'événement de demain à Liège, donc sur le site de Londres. Voilà, on vous donnera plus d'infos tout à l'heure, notamment pour comment gagner vos places sur Fun Radio d'ici quelques instants. Bon, nous accueillons maintenant Malvina qui est là. Salut Malvina. Attends une seconde, c'est ma faute. Hop là, bonjour Malvina. Ah, là c'est pas ma faute par contre. Malvina. Dehors sur l'Est, 26 ans, Malvina, la réponse est la devinette qui colle, Malvina. Malvina, ah elle est partie. Non, eh bah, Malvina, elle est partie. Bon, bah tant pis. Ah, peut-être une connerie là. Attends, on va récupérer. Malvina ? Non, tant pis. Bon, bah tant pis. On va essayer de la reprendre dans un instant. En attendant, c'est pas grave. Ce matin, donc, bonjour Jean-Claude. Ah bah bonjour mon chouchou. Comment ça va? Ah bah ça va. Bon, alors donc on va appeler où ce matin avec vous Jean-Claude, tenancier d'un grand bar très louche? Eh ben non, mais c'est parce que ce matin on a des petits problèmes en fait pour la Gay Pride. Ah bon, qu'est-ce qui se passe? Bah on a plus de sous. Ah ben ça arrive hein. Bah oui, mais alors du coup ça on va peut-être pas pouvoir la faire cette année. Bon, ah, ça ouais. Va pas du tout. Ah bah non, bah je comprends bien, ça va être assez emmerdant ça effectivement. Bah ouais. Oui. Bon, et vous alors, voulez qu'on appelle des gens pour essayer de gratter un peu d'argent? Bah oui, je vais faire un appel aux dons. Ah bah je comprends, ouais, d'accord, bah, ok. Oui. Bon bah on y va alors, hein. Vous voulez qu'on appelle où là? Vous avez pris Bah oui, alors j'ai pris une ville où j'aime bien aller, ça c'est s'appelle Béze. Ah, Béze, oui, B-E-E-Z. Ah, mais tiens, on se demande oui. Pourquoi. B-E-E-Z, bah, oui. J'adore okay. Cette ville, c'est bon. Magnifique. Bon, allez, Jean-Claude, on y va, on va essayer de gratter un peu d'argent ce matin. Allons-y. Là. Allez, c'est parti. Nous allons à Béze. Béze. Ben, ça dort encore apparemment à Béze ce matin. Attends, ça baise ou ça dort? Allô, longtemps. Mon loulou? Ah. Oui, c'est une erreur, madame. Ben non, pas du tout. D'abord, c'est pas madame, c'est monsieur, je m'appelle Jean-Claude. Mais c'est pas... Oui. Mais c'était pas une erreur, en fait, voilà. Je vous appelle parce qu'en fait, voilà, j'organise la Gay Pride et on a un petit peu, comment dire, des problèmes pour la financer cette année. Et donc... Oui, madame, je vous laisse, hein, parce que je suis occupée, il est 4h du matin, on n'appelle jamais une personne à 4h du matin. Ah bah, elle est partie, hein. Elle a un petit décalage horaire dans la tête. Oui, hein. Bah oui. Oui, qu'est-ce qui se passe? On va la rappeler. Bah, on va la rappeler immédiatement, là, c'est parti. Mais oui. Oula, et puis, ouais, il n'est pas encore 7h, il est 6h d'abord. Oui, monsieur, qu'est-ce qu'il y a, dites? Ben oui, ben d'abord, il va falloir régler ta montre, hein. Il n'est pas 4h, il est 6h, hein. Bon, faut faire un effort, hein, ma chérie. Bon, mais sinon, voilà, moi, je voudrais que tu participes un peu à ma Gay Pride et que tu me fasses un petit don, c'est tout. Non, madame, voilà, c'est clair et net, c'est non. Et d'abord, vous me rappellerez à partir de 9h et alors on pourra régler. J'attends votre coup de fil à 9h. D'abord, je suis monsieur, je m'appelle Jean-Claude. Tu vas te calmer un peu, Mijoré. Ben alors? Ouais, bah c'est pas gagné, hein. Bah non, bah là, non. C'est vraiment pas gagné. Bon, mais bah tant pis. On la rappellera tout à l'heure à 9h. Bah, à tout à l'heure, Jean-Claude. Enfin bon, 9h, c'est quelle heure chez elle? Parce que si à 6h, il est 4h. Eh bah ça fait 7h. Bon, 7 c'est heures. Bon, en fait, c'est la bonne heure. Oh non. on était prêts, là. On était ready. Bon, on a Mélie. Mais alors, du coup, j'ai oublié son nom. Non. Malvina, oui, c'est ça. On l'a récupéré, Malvina? Normalement. Malvina? Ah, je pense qu'elle est. Bah, qu'est-ce qui se passe avec Malvina, là? Je comprends pas. Malvina ? Je pense que Malvina, elle a peur de passer à l'antenne. Bah oui. Ah, elle a raccroché, bah tant pis pour elle, hein, que je voulais que je vous dise, moi. Bon, bah tant pis, la réponse à la devinette qui colle, ce sera dans un instant. Et puis, bah, si vous avez envie de choper vos places également pour aller à Nandrin, sur le site de Nandrin à Liège, pour la soirée spéciale David Guetta, ça va tout déchirer normalement. J'ai eu David, il m'a dit qu'il m'offrait des places à mettre à l'antenne. Hein. Si vous arrivez à me dire quel est le nom de la soirée, la fameuse, la famous soirée de David Guetta, quel est son nom? Si vous avez la bonne réponse, 6322, débutez le message par Guetta avec la réponse. Je vous appelle en direct pour vous filer vos places dans quelques instants. Et dans un instant, il y a Gino qui va arriver aussi, ce sera Poppy sur Fun Radio. Michael à la radio, tous les matins. Tous les matins, Michael est en direct sur Fun Radio. Fun Radio. 7h01 sur Fun Radio, passons maintenant à l'actu avec Julie. Salut à tous, la prison de Verviers pourrait fermer ses portes plus tôt que prévu. Le bourgmestre Claude Desama tape du poing sur la table. Il demande au syndicat de trouver un accord avec la direction alors que les gardiens sont toujours en grève. Et il demande au conseil des ministres de trouver des solutions concernant le délabrement du bâtiment. La prison doit être évacuée à la fin du mois d'octobre, mais le bourgmestre menace de vider le bâtiment demain si le dossier n'avance pas. Mais les syndicats répondent que vider la prison demain est quasi impossible car il faut prévenir les corps de sécurité, il faut que la police soit disponible et il faut que les établissements d'accueil aient des possibilités pour accueillir les détenus. Les ouvriers de GSK ont trouvé un préaccord avec la direction. Ils auront une revalorisation salariale et des frais de transport plus élevés. Et GSK a annoncé que son site de Genneval est à vendre. La société pharmaceutique va mettre en vente dans les prochaines semaines ce site, environ 250 employés sont concernés par le déménagement. Ils rejoindront le site Wavrien de GSK. Aucune perte d'emploi n'est prévue. Les chauffeurs des tech de Charleroi rouleront ce matin. Des renforts de police sont prévus à Gilly. Gilly, au début, avait subi des jets de pierre à deux reprises. En 6 mois, près de 9000 chômeurs sont privés temporairement ou définitivement d'allocations par le NEM, soit un quart de plus que l'an passé. Le nombre de ces sanctions est deux fois plus élevé en Wallonie qu'en Flandre. Il ne faudrait pourtant pas en conclure que les chômeurs wallons refusent davantage de travailler, avertit l'ONEM. Les bureaux wallons ainsi que bruxellois suivent de plus près les chômeurs de longue durée dans leur recherche d'emploi. Ils ont donc effectué un mouvement de rattrapage. Yves Leterme et Elio Di Rupo ont décidé que les négociateurs chargés de la formation du gouvernement seraient chargés dès le début de la semaine prochaine de l'élaboration du fameux budget 2012. Et le formateur annonce déjà un budget rigoureux. Les négociateurs devront combler un trou de quelques 8,5 milliards d'euros. Et ils se retrouveront en tout cas aujourd'hui pour continuer les négociations. D'abord à 9h30 entre francophones et puis entre flamands une heure plus tard. 2 cafés sur 3 sont victimes de l'interdiction de fumer. C'est ce qui ressort des résultats d'un sondage d'Oreca Vlaanderen et de l'Uniso auprès de 250 cafés. Quelque 35% des répondants évaluent la perte de leur chiffre d'affaires entre 20 et 30%. Un quart estime qu'elle est supérieure à 30% et un sondé sur 10 affirme avoir perdu plus de la moitié de son chiffre d'affaires depuis l'instauration de l'interdiction générale de fumer dans tous les cafés. Et puis enfin en sport, en phase de groupe de Ligue des Champions, Genk s'est incliné 2-0 face à Leverkusen. Les Limbourgeois se retrouvent donc dernier de leur groupe avec un seul petit point. Ce soir, c'est le Standard, Anderlecht et Bruges qui rentrent en scène. 7h04 sur Fun, la météo. L'anticyclone, toujours positionné sur le centre de l'Europe, nous protégera encore et il nous garantira un temps chaud et très ensoleillé. Températures qui grimperont jusqu'à 27 degrés aujourd'hui. Le reste de la semaine et le week-end s'annoncent toujours sous le soleil. Fun Radio. Fun Radio. 7h05 sur Fun Radio et c'est l'heure maintenant de la fond en plus. Alors, vous venez de vivre une rupture particulièrement pénible. Votre ex vous en a fait voir de toutes les couleurs, vous le maudissez. Et bien maintenant, il existe un site internet pour vous, un site internet qui vous permet d'évaluer vos ex. Ah bon? Donc il y a un proverbe bien connu qui dit « un homme averti en vaut deux ». Exactement. Et le créateur du site explique « vous n'irez pas dans un restaurant qui n'a jamais été évalué ». Et bien maintenant, vous pouvez évaluer vos ex et prévenir donc les futures conquêtes de ce dernier. C'est bon ça. Alors c'est oui, le site s'appelle « X-Rated ». Et donc vous pouvez comme ça remplir une page avec un questionnaire. Vous pouvez donc décrire le type de relation que vous avez vécu, les conseils que vous donneriez pour bien s'entendre avec votre ex, appréciation sur l'hygiène, l'intelligence, etc. Et après, ils ils obtiennent une note globale et donc les personnes qui sont intéressées par vos ex peuvent aller voir ce qu'il vaut exactement. Ah ouais, ça peut être donc, sympa X-rated. Ça. X-rated. Ok, ouais. Très bien. L'info revient tout à l'heure à 7h30, il est 7h06 sur Fun Radio. On va payer vos factures dans un instant. Je vous rappelle que pour vous inscrire, c'est au 6322 que ça se passe, en débutant votre message par facture avec le montant de la facture et l'objet de la facture. Depuis qu'on est là, depuis le mois d'août, on a quand même déjà fait péter plus de 1500 euros de facture. C'est quand même pas mal. Et c'est bon ça. C'est quand même pas mal du tout. Et nous avons Christelle qui est avec nous maintenant pour la réponse à la devinette qui colle. Christelle, bonjour. Bonjour. Ça va bien ? Oui. Bon, t'appelles de Pontacel dans la région de Charleroi, 103.5 pour écouter Fun Radio dans le coin. Et tu as la réponse à la devinette qui colle. Quand il est cloche, il ne sonne pas. Quand il est melon, on ne le mange pas. Qui est-il ? Chapeau. Eh ben le chapeau, c'est une bonne réponse. Bah bravo à toi Christelle. Merci. Je te renvoie immédiatement au standard. Tu vas choisir ton cadeau au standard. Tu fais quoi dans la vie Christelle ? Je suis surveillante dans l'école primaire. Surveillante dans les écoles primaires, d'accord. Eh ben écoute, bon travail et bon courage alors Christelle. Merci. Gros bisous, à bientôt. Ouais. Eh ben voilà, maintenant c'est une bonne chose de faire. Dans un instant, il y aura une nouvelle devinette qui colle. Et avant cela, comme je vous l'ai dit, hein, il y a également la possibilité pour vous de gagner vos places pour aller demain soir. Ça se passera sur le site de Nandrin à Liège. Soirée spéciale David Guetta avec la possibilité de gagner vos places maintenant. Si vous avez la réponse à la question suivante, quel est le nom de la fameuse soirée, le nom de la soirée que David Guetta utilise tout le temps, hein. Si vous avez la bonne réponse, ça existe aussi une version compile. Si vous avez la bonne réponse, 6322, vous débutez votre message par Guetta avec la réponse et vos coordonnées complètes. Bonne chance tout le monde. Et côté son maintenant, c'est parti avec Gillo et Papi. D'ailleurs, il y aura David Guetta, mais il y aura aussi Tuff qui sera là. Hein. Ah bon ? Ah bah oui, on va filmer, je te rappelle. Oui, bah voilà. Oui, d'accord. Donc on sera sur le terrain. Oui, oui, on sera sur le terrain. On sera là, au taquet. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, donc d'ailleurs, si vous voulez passer à la télé avec nous, il faudra venir pour filmer. Hein. Voilà, on va pas faire la fête, quoi. Mais non, on est là pour travailler. Bah, exactement comme d'habitude. 7h10 sur Fun Radio, Jennifer Lopez à l'instant avec Papi et puis une petite question qui colle, si vous avez la réponse, tiens, dites-le nous au 3044 ou sur amical@funradio.be. Un Canadien vient de faire le tour du monde à pied, mais combien de temps a-t-il mis? En fait, il était parti pour dépression, il est revenu super heureux, mais combien de temps a-t-il mis? C'est ça la question qu'on vous pose. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. Bon, et bien sûr, en attendant, on va parler un peu aux ailes, hein, puisque nous allons appeler maintenant quelqu'un qui s'est inscrit au 6322 en débutant le message par facture. Il y en a pas mal qui sont arrivés. Je rappelle qu'on a déjà claqué plus de 1500 euros pour rembourser vos factures depuis qu'on est là, et on n'est pas là depuis très longtemps non plus. Facture de 67 euros pour l'assurance, merci beaucoup. 150 euros pour la taxe des immondices. 37 euros pour le téléphone portable. 37 euros pour Beliacom également. Très bien, hein, qu'est-ce qu'il y a aussi? 300 euros pour Disney, ah oui quand même. Hein. On appelle quelqu'un, on rembourse combien Toff? 49 euros. Pour... Je ne sais pas. On ne sait pas. Bon, 49 euros. Oui, bon, on va appeler, on verra bien. Allez, allez. Espérons que ce ne soit pas le répondeur. Non, eh ben, ça sent. Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie de Mélanie. Je suis indisponible pour l'instant, mais si vous désirez me laisser un message, veuillez parler après le bip sonore. Merci. Bonjour Mélanie. Bonjour Mélanie, c'est Mickaël. Tu étais en direct sur Fun Radio. Et malheureusement, tu repars les mains vides, puisqu'on t'appelait pour te rembourser ta facture de 49 euros. Alors, on ne sait pas ce que c'était comme facture à rembourser, mais quoi qu'il en soit, c'est raté. Ce que je ne comprends toujours pas, je vais le répéter pour la centième fois, mais comment pouvez-vous vous inscrire à un jeu où vous savez qu'on doit vous appeler à 7h10, 8h10 ou 9h10 et de ne pas être dispo quand vous jouez au jeu? Ce n'est pas la peine de jouer si vous savez que vous n'êtes pas dispo. Bah écoute, oui. C'est dommage, vrai. C'est dommage. Mais enfin, c'est pas grave, hein. Écoute, je te fais quand même des gros bisous. Tu retentes ta chance quand tu veux, en tout cas, il n'y a pas de problème. Et puis, bah les autres, c'est la bonne nouvelle pour vous. Puisque tout à l'heure, à 8h10, on ne sélectionnera que ceux qui se sont inscrits entre 7h12 et 8h10 tout à l'heure. Donc, bonne chance tout le monde. 6322 6322, c'est 1€ le message. Débutez votre message par facture avec le montant de la facture et l'objet de la facture. Voilà, je n'ai que ça à dire. Dans un instant, on appellera aussi un gagnant pour les places. Pour David Guetta, c'est demain soir à Liège sur le site de Nandrin. Et là aussi, il y avait une question, hein. Quel est le nom des soirées de David Guetta, les fameuses soirées de David Guetta? Si vous avez la bonne réponse, 6322 également, débuté par Guetta avec la réponse et vos coordonnées complètes. On vous appelle dans moins de 10 minutes. Et le son des Black Eyed Peas, on va les écouter maintenant. C'est Let's Get It Started sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Salut Mickaël, c'est Alizé Poulicek. Je te verrais bien en Miss Wallonie, mais faudrait quand même refaire les dents, faudrait refaire le sourire, faudrait refaire les abdos, faudrait refaire les pectos. En fait, faudrait tout refaire. À la radio. And the bass keeps running. Les Black Eyed Peas sur Fun Radio, let's get it started. Fun Radio. Fun Radio. L'horoscope. Et à 7h17, passons maintenant à l'horoscope. Est-ce que, c'est un petit peu le suspense de chaque matin, est-ce que Julie aura un bon horoscope aujourd'hui? Moi, je n'espère plus. Elle a arrêté d'y croire, effectivement. Ça va bien, Doudou, ce matin? Oh, comme si, comme ça. Bon, vous avez reçu le mail que je vous ai forwardé hier d'une auditrice qui voulait avoir quelques informations. Oui, oui, oui. Ah bon, oui, d'accord, oui, ok, très bien. Non, non, c'est pas ça, c'est juste qu'elle voulait des informations à propos de... Oui, oui, oui, d'accord, oui, okay. Oui, oui. Bon, très bien, donc vous l'avez reçu, quoi, hein? Oui, oui, oui, oui, oui, oui. Oh, ok, d'accord, très bien, alors il n'y a pas de problème. Bon, Doudou, on va commencer l'horoscope? Oui, oui, oui, oui, oui. Vous oui. Êtes en pleine forme aujourd'hui, hein? Mais oui, tout bon, va bon, très bien. Bien. Allez, les béliers. Alors, même si vous avez le sentiment que le monde s'est juré contre vous... Vous vous trompez. D'accord, très bien. Les taureaux? Une journée difficile s'annonce et va exiger beaucoup de vous. Les gémeaux? Vous allez résoudre une dispute familiale grâce à votre habileté. Les cancers? En amour et dans votre vie de couple, tout est en ordre. De nouvelles portes vont s'ouvrir à vous. Ah bah voilà. Oh bah dis donc. Mais il est pas mauvais, Julie. Attends, qu'est-ce que c'est que ça pour un horoscope? Bah tiens. Oh je suis... Non, ah en fait, voilà. C'est cancer, on a mitonné. Hein. Belle journée. Non, non, non, non. Ouais, j'ai pas dit belle journée. Hein. Belle j'ai journée dit... qui m'attend. J'ai dit qu'en amour, ça va aller. Bah, bah oui, et que ça. Des portes s'ouvraient. Oui, c'est dans le boulot, j'imagine. Non, non. À quoi, mon ça, en amour? La porte du salon, quoi. Ah oui, non, j'avais bien une autre idée, moi. Ouais, ouais. Bon, Lion. Faites des changements en douceur et de façon réfléchie. D'accord, les Vierges. Votre ton ironique ne vous fait pas que des amis. Les Balances. Soyez plus diplomates. Les Scorpions. Ce n'est pas toujours la meilleure chose à faire que de travailler dans la précipitation. Les Sagittaires. Aujourd'hui, vous avez besoin de beaucoup de câlins. Si vous êtes une fille, appelez-moi. Oui, je me doute. Les Capricornes. La routine vous a de nouveau. La semaine va être épouvante. Les Verseaux. Arrêtez de broyer du noir. Vous n'avez aucune raison, tout va bien. Et les Poissons pour terminer. Après le sport, pensez au massage pour détendre vos muscles. Ah bah ouais, forcément ouais. Très bien. Bah oui, bah oui. Bah oui, évidemment ouais. Bon bah très bien, merci Doudou, on vous retrouve tout à l'heure. Bah oui, d'accord, tout à l'heure. Très bien, et bah restez bien là. Dans un instant, on vous file les places pour David Guetta également. Et toujours la question qui colle, que je vous rappelle hein, évidemment. Combien de temps un Canadien a mis pour faire le tour du monde à pied? Si vous avez la bonne réponse, 3044 par SMS. Ou alors sur mikl@funradio.be. 7h19, si on écoute Sac Noël, c'est Loca People sur Fun Radio. Mikl à la radio. Salut, c'est Cartman. Si toi aussi tu t'es tapé la merde de Kyle hier. Ta gueule, Cartman. Écoute Mikl à la radio, 6h-9h30 sur Fun Radio. Mikl à la radio. Fun Radio. What the fuck? Sac Noël sur Fun Radio, 7h22, bon réveil tout le monde. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h30 ce matin partout en Belgique avec tout à l'heure et l'opération Lenco également. On va relooker votre cote ou votre appartement avec plein de cadeaux qu'on va vous filer. Écran plat, il y a également les chaînes, il y a une barre de son, il y a une tour iPod, micro-ondes. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Fer à repasser, tire-bouchon électrique, enfin bref, je ne sais même plus tout ce qu'il y a dedans, mais il y a plein de trucs. Et on fait un petit tirage au sort tout à l'heure. Soyez bien présents. Si vous voulez vous inscrire pour avoir une chance de gagner, 6-3-2-2, 1 euro le message. Vous envoyez votre message au 63-22 avec en début de message Lenco, L-E-N-C-O. Voilà, bonne chance tout le monde si vous jouez avec nous d'ici quelques instants. Et alors, on va parler de série maintenant. Je sais pas si vous avez vu ça sur internet, mais moi je suis tombé dessus plusieurs fois. C'est une nouvelle mini-série qui fait un carton sur internet, sur Facebook, Twitter, tout le bordel. Ça s'appelle Bref. Ouais, attends, t'entends mal. Oui. Pardon, ouais, c'est la nouvelle série de Canal en fait. Ça, ouais, c'est sur Canal Plus. Ouais, sur Canal Plus. Donc si vous avez le satellite, c'est difficile. En clair, je crois, donc vous pouvez voir ça comme ça. Oh, mais... Sur le site de Canal Plus aussi, vous pouvez... sur le site de Canal Plus, effectivement. Ouais. Et donc, du coup, j'arrête pas de voir passer des épisodes en fait sur Facebook, donc c'est bien pour ceux qui ont pas forcément. Franchement, faut dire que c'est quand même énorme. Chaque fois, les vannes qu'il y a dedans et tout, c'est super bien réalisé, c'est bien foutu. Et le concept, c'est que le mec dit toujours bref. Voilà. C'est très très court. J'ai aussi, eu un plan surtout. Cul. Ouais, bref, j'ai eu un plan cul. C'est toujours sur des trucs qui pourraient vous arriver ou qui vous arrivent en temps normal. Et donc, du coup, il y a plein de gens qui essayent de faire la même chose avec plus ou moins de succès. Mais là, j'ai trouvé la version anti-aise de Bref. Tiens, hey, ça vient de chez vous, ça, Doudou, hein? Ah oui, oui, oui, ça vient de chez moi. J'ai quoi, c'est mon cousin, il l'a fait. Ça s'appelle Bref. Oui, c'est ça, Bref. Voilà. Bah, c'est Bref, écoutez bien. Bref, aujourd'hui, je travaille dur. Le téléphone sonne. Je fais semblant de ne pas entendre. Il continue de sonner. Je tourne la tête. Il sonne encore. J'exprime mon mécontentement. Je me décide de me lever et je dis haut et fort que j'aimerais bien pouvoir gifler celui qui m'appelle. Je vais vous décrocher et là je me dis Kounia Mamao. Je vois qu'il est déjà très tard, je suis content car je peux enfin lui dire. Les bureaux sont ouverts de 13h à 16h, monsieur. En dehors de ces horaires, je ne suis pas habilité à vous répondre. Merci. Bref, je travaille à la poste. Eh oui, c'est beau, là, c'est beau le travail postier. Voilà, voilà. C'est... À la poste aux Antilles. Parce que déjà, qu'on se plaint de la poste de chez nous, mais la poste dans les Antilles, dans les Caraïbes, je peux vous dire que c'est pas toujours facile. Hein. Ouais, mais c'est ça, mais c'est pas obligé de faire ça aux Antilles. Hein. Ah, chez Bipost, ça marchait aussi. Chez Bipost, ouais, mais on peut y travailler un peu plus quand même. Hein. Ouais, c'est vrai, parce que eux, ils ouvrent à 11h, mais bon. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Puis après, ils referment à 11h15. Hein. C'est normal, c'est la pause. Après, ah, mais café, hein. La pause ou la grève. Ah ouais, bah. Faut choisir un moment, c'est l'un ou c'est l'autre. Faut pas non plus nous faire chier. Bon, on accueille qui maintenant pour les places? Ah, c'est pas vrai. Bah non. Bah comment ça? Comment ça se fait qu'on accueille personne pour David Guetta? Bah écoute, je ne sais pas. Bah il y a plein de bonnes réponses. Mais tu te fous de ma gueule tout ou quoi? Tout à fait. Mais non, bah, très... mais ah, bon. ça arrive. Ah bon, bah alors d'accord, ok. Bon, je vous avais dit qu'on avait des places pour le concert. Pas du tout, pour la soirée David Guetta qui aura lieu à Liège. Oui, j'ai eu David personnellement au téléphone qui m'a dit, oui, écoute, est-ce que ce serait bien que tu files des places sur Fun Radio? Après, oui, tout, c'est quand même la radio du son Dance Floor. Je ne comprends pas comment ça se fait que ce n'est pas une opération réelle Fun Radio. Je ne comprends pas. Oui. Et bah nous non plus d'ailleurs. Hein. Donc on s'est dit avec David, ok, très bien, on va filer tes places. Ouais, moi j'ai vu sa femme il n'y a pas longtemps, elle est très très chouette. C'est vrai, effectivement. D'ailleurs, ce sera la prochaine question, donc n'en dis pas trop. D'accord. Voilà, si vous voulez choper vos places, la réponse, on va la prendre directement. Hein. Donc la prochaine question, vous pouvez vous inscrire dès maintenant. 6322, débuté par Guetta. Comment s'appelle la femme de David Guetta? Ah, bah oui. Voilà, son prénom, puisqu'elle s'appelle Guetta aussi, forcément. Bon, on a qui maintenant avec nous? Bonjour. Nous avons Olivier. Bonjour. Salut. Salut Olivier de Hauton, comment ça va? Ça va super, merci. Bon, bah écoute, ça va tranquille aussi. Hein. Tu fais quoi de m'asseoir? Oh ben, on a déjà du côté de Nandrin par là. Oh, ne t'enflamme pas. D'abord, tu vas répondre à la question. Tu vas rester chez toi. Voilà, tu vas répondre. On t'appuie juste pour te dire ça. Tu vas tenter de répondre à la question. Comment s'appellent les célèbres soirées David Guetta? Est-ce qu'on peut dire ça le matin à la radio? Ben oui. Bah oui, c'est maintenant. Ouais. Fuck me, I'm famous. Exactement, fuck me, I'm famous. Eh ben, bravo à toi. Moi, deux ça m'arrive places. Jamais. Deux places. Ouais, c'est pas famous. Deux places pour venir avec nous donc sur le site de Nandrin pour la soirée spéciale David Guetta. C'est offert par Fun Radio et par David Guetta aussi, forcément. Salut à Merci, toi. Fun Radio. Je t'en prie, à bientôt. Bon, ben voilà, les autres, vous savez maintenant, si vous voulez gagner les mêmes places, on remet le couvert dans une demi-heure. On en a plein à vous filer là ce matin. 6322, vous nous dites tout simplement comment s'appelle la femme de David Guetta pour repartir avec vos places pour la soirée à Nandrin. 7h27 sur Fun Radio. Dans un instant, Selena Gomez va débarquer, ainsi que l'info aussi de Julie bien sûr. Et Selena Gomez, ce sera Love You Like a Love Song sur Fun Radio. Et restez bien là dans un instant, la devinette qui colle. C'est Mickaël à la radio sur Fun Radio. Toute cette semaine, Fun Radio, Lenko et Fun Radio, Pimp Your Code. Pimp Your Code. Et les students, vous avez bien entendu, pour la rentrée, Fun Radio vous rééquipe entièrement. Et vous repartirez peut-être avec un radio-réveil, un écran plat avec lecteur DVD, une marson et une tour iPod. Vous n'en avez pas assez? Eh bien, il y en a encore. On vous met aussi le micro-ondes, un mixeur, un percolateur, un four, une friteuse et, pour fêter ça, un tire-bouchon électrique. Fun Radio. Ça fait rêver, hein? Eh bien, c'est peut-être à vous en envoyant le code LENCO au 6322. Si vous passez à l'antenne, vous repartez d'office avec un baladeur MP3 et une chance d'être tiré au sort le 3 octobre en direct entre 6h et 9h30 dans Mickaël à la radio. Le Père Noël n'existe pas. Mais heureusement, Fun Radio est là. Fun Radio, le son Dance Floor. 1 euro par message envoyé ou reçu. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Bonjour, c'est Katia Sirica. Tous les matins, j'écoute Mickaël à la radio. Mickaël. Fun. À la radio. Il est 7h29 sur Fun Radio. Soyez les bienvenus si vous débarquez. Mickaël à la radio, c'est jusqu'à 9h30 avec la réponse. Ouais, la réponse aussi hein, par rapport à la question que je vous avais posée tout à l'heure. Je vais vous la donner comme ça parce qu'on est un petit peu à la traîne. Le mec, le Canadien qui a fait son tour du monde là à pied, il a mis 11 ans. Voilà, il est parti en fait faire son tour du monde à pied parce qu'il était en dépression. Il est revenu rayonnant de bonheur d'avoir réalisé son rêve. Il a mis, donc il faut savoir qu'il a 50 piges le gars. Ah, enfin, j'allais maintenant dire, j'allais demander à quelle heure. À quel âge il avait fait ça. Donc il est parti, il a fait son tour du monde à pattes. Le mec est quand même dingue. Mais c'est fort, je crois qu'effectivement ça peut te changer une vie. Hein. Ah bah oui, mais je te confirme, 11 ans, t'imagines, pendant 11 ans tu sais pas où t'habites. Ah non, c'est... Et puis le moment où tu te retrouves à l'autre bout du monde, tu vois, comme si nous, par exemple, on se retrouvait à Hawaï, c'est l'autre bout du monde par rapport à nous. Ouais. Et t'es là à pied, tu te dis merde, qu'est-ce que je fous là? Ah oui, tu peux te demander. Si tu t'arrêtes et que tu commences à te poser des questions, là, c'est, je crois que tu dois marcher sans t'arrêter. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je comprends pas. Bon, on a d'autres cadeaux pour vous, la devinette qui colle. Cette fois-ci, c'est bien, c'est un auditeur qui m'a envoyé une devinette qui colle. C'est Johan. Johan qui m'a envoyé une petite devinette qui vous permettra de repartir avec soit une microchaîne Philips, soit un appareil photo numérique Samsung, soit le pack Nintendo Wii avec la console et tous les accessoires. accessoires qui vont avec. Soit l'écran plat LCD, soit des places pour le parc Astérix. Vous choisissez ce que vous voulez. Question, devinette qui colle de Johan. Nous avons tous les deux la même somme d'argent au départ. Et je te donne 8 euros. Combien as-tu en plus que moi? Si vous avez la bonne réponse, 63-22 avec la réponse et on vous appelle peut-être en direct pour vous filer les cadeaux. Nous avons tous les deux la même somme d'argent au départ et je te donne 8 euros. Combien as-tu en plus que moi? Si vous avez la bonne réponse, 63-22, bonne chance tout le monde. Et à 7h30, on passe à l'actu maintenant avec Julie. Salut à tous, Michel Martin n'avait en réalité aucun plan de réinsertion. C'est ce qu'on peut lire dans le rapport du jugement du tribunal d'application des peines de Mons qui a rejeté sa nouvelle demande de libération conditionnelle il y a quelques jours. Les avocats de l'ex-femme de Marc Dutroux n'ont présenté aucun plan de réinsertion pour leur cliente. Ils considèrent sa détention comme illégale étant donné que précédemment, une décision de justice avait autorisé sa remise en liberté. Et ses avocats estime également que le ministre de la Justice s'est immiscé dans le dossier de manière abusive pour faire échouer cette libération au final. La prison de Verviers pourrait fermer ses portes plus tôt que prévu. Le bourgmestre Claude Dessama tape du poing sur la table. Il demande au syndicat de trouver un accord avec la direction alors que les gardiens sont toujours en grève et demande au Conseil des ministres de trouver des solutions concernant le délabrement du bâtiment. La prison devait être évacuée à la fin du mois d'octobre. Mais le bourgmestre menace de vider le bâtiment demain si le dossier n'avance pas. Mais les syndicats répondent que vider la prison demain est quasi impossible car il faut prévenir les corps de sécurité, il faut que la police soit disponible et il faut que les établissements d'accueil aient des possibilités d'accueillir les détenus. Les chauffeurs des techs de Charleroi rouleront ce matin après une grève hier. Des renforts de police sont prévus à Gilly où des bus avaient subi des jets de pierre à deux reprises. C'est pour ça que les chauffeurs s'étaient d'ailleurs croisés les bras. En 6 mois, près de 9000 chômeurs ont été privés temporairement ou définitivement d'allocations par l'ONEM, soit un quart de plus que l'an passé. Le nombre de ces sanctions est 2 fois plus élevé en Wallonie qu'en Flandre. Il ne faudrait pourtant pas en conclure que les chômeurs wallons refusent davantage de travailler, avertit l'ONEM. Les bureaux wallons ainsi que bruxellois suivent de plus près les chômeurs de longue durée dans leur recherche d'un emploi. Yves Le Terme et Elio Di Rupo ont décidé que les négociateurs chargés de la formation du gouvernement seraient chargés dès le début de la semaine prochaine de l'élaboration du fameux budget 2012 et le formateur annonce déjà un budget rigoureux. Les négociateurs devront combler un trou de quelques 8 milliards d'euros. Les négociateurs qui se retrouveront aujourd'hui pour continuer les négociations sur les transferts de compétences, d'abord à 9h30 entre francophones et puis entre flamands une heure plus tard. En France, la romance Tristan Bannon et Dominique Strauss-Kahn vont être confrontés l'un à l'autre par la justice à la demande de cette dernière qui accuse DSK de tentative de viol. Les faits se seraient produits en 2003, DSK nie farouchement. Toujours à l'étranger, un Américain a été arrêté alors qu'il voulait attaquer le Pentagone et le Congrès avec des petits avions téléguidés remplis d'explosifs. L'homme diplômé en physique a été inculpé à Boston. Il déclarait vouloir tuer des Américains ennemis d'Allah. Et puis enfin en sport, en phase de groupe de Ligue des Champions, Genk s'est incliné 2-0 face à Leverkusen. C'est la météo maintenant à 7h34 sur Fun Radio. L'anticyclone toujours positionné sur le centre de l'Europe nous protégera encore et il nous garantira un temps chaud et très ensoleillé, température jusqu'à 27 degrés. Le reste de la semaine et le week-end s'annonce toujours sous le soleil. Ouais, et faites attention parce que quand la dépression va revenir, par contre, je crois qu'on va prendre très cher. Ah, probablement que là, on va le sentir. Pour la semaine de soleil qu'on a eue, je pense qu'on va prendre très cher. En soi, on a eu un été tellement pourri que mérite quand même. Ouais, mais bon, faites gaffe quand même. 7h34, c'est l'info en plus. Fun Radio. Alors, quelle est cette info supplémentaire? Eh bien, nous sommes à presque, enfin en tout cas, plus de 470 jours sans gouvernement. C'est un beau record. Arriverons-nous à 500 pour le symbole, quoi. On fait une fête si on arrive à 500. Oui, on fait la fête, oui. On peut plus ou moins y arriver d'ailleurs, vu que non, ce sera un peu avant, puisqu'ils pensent prévoir un gouvernement pour le 11 octobre, ouais, pour la rentrée parlementaire. Ils pensaient faire un gouvernement il y a un an. Oui, c'est vrai. Ils le pensaient aussi. On n'est pas à l'abri, hein. Et on n'est pas à l'abri que tout repète de nouveau maintenant. Ah, bah, je suis plus là, va te faire foutre! Ah voilà. Bon, d'accord, ok. Non, je crois qu'ils sont tellement avides de pouvoir, tout cela, qu'ils vont y aller. C'est clair, ouais. Bon, en tout cas, on n'a pas de gouvernement, donc pas vraiment de Premier ministre. Enfin, il nous reste toujours Yves Le Terme, mais qui est Premier ministre démissionnaire. Donc, le site de recherche d'emploi monster.be a lancé une petite action. Une action pour rechercher un Premier ministre. Donc, Monster propose aux demandeurs d'emploi de postuler à la position de chef de gouvernement. Pourquoi pas? Donc, dans notre petit pays qui est sans gouvernement, tous les Belges peuvent postuler jusqu'au 10 octobre. Moi, je propose Julie. Julie comme Premier ministre. Ah, ce serait bien. La nouvelle Thatcher. Donc, on peut poster donc sa petite candidature sur Facebook, parce que Monster a créé une page. Donc, les candidats doivent forcément faire preuve un peu de créativité en envoyant une petite vidéo, un CV, une illustration, une animation, etc. Il y aura un jury qui va choisir les 6 meilleures candidatures. Après, ce sera le public qui décidera, avec le jury, qui deviendra le Premier ministre de la Belgique. Forcément, tout ça est très virtuel. Bien c'est sûr. C'est pour le gag. Eh bien, quand même, le candidat qui aura gagné le poste de soi-disant Premier ministre empochera un bonus de 1000 euros. Ah, ça va, c'est cool. C'est pas mal, et on connaîtra le nom du gagnant le 17 octobre. Ah ouais, bah c'est sympa quand même. Hein. Ouais, bon, c'est sympa. Bon, ça reste toujours 30 fois moins que le vrai salaire d'un Premier ministre. Ouais, ça c'est clair. Hein. 7h36 oui, ouais. Sur Fun Radio. Dans un instant, l'opération Lenko. Nous allons appeler quelqu'un pour jouer avec nous au jeu Lenko, en fait. Hein, si vous voulez, vous aussi, qu'on relook votre cote ou votre appartement niveau high-tech 6322. Vous débutez le message par Lenko. Et je vous rappelle aussi d'ailleurs un autre jeu, c'est la devinette qui colle. Nous avons tous les deux la même somme d'argent au départ. Je te donne 8 euros. Combien as-tu en plus que moi? Sachant que moi, je n'ai plus rien. Si vous avez la bonne réponse, 63-22, c'est 1 euro le message. Et donc, plein de cadeaux aussi à gagner. Hein. Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Micro-chaîne, appareil photo numérique, place pour Astérix, écran plat ou encore le package avec la console Wii. Nous avons tous les deux la même somme d'argent au départ. Je te donne 8 euros. Combien as-tu en plus que moi? Sachant que je n'ai plus rien. Bonne réponse au 63-22. Et c'est Selena Gomez qu'on écoute maintenant. Love You Like a Love Song sur Fun Radio. Bonne matinée, il est 7h37. Mickaël à la radio. Fun. Tous les matins. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Radio. Selena Gomez sur Fun Radio, 7h40, bon réveil tout le monde. On parlera dans un instant des infos au niveau du trafic. Si vous êtes sur la route et que ça coince, n'hésitez pas à nous le signaler également. Vous envoyez votre petit message au 3044, c'est 50 centimes le message. Ou alors vous me faites un mail, et là c'est gratuit, mikl@funradio.be. Et nous avons qui avec nous maintenant pour jouer au jeu Lenko? Allô, bonjour. Non, ça c'est Lub. Ah, c'est Sébastien Lub, pardon, oui. Tant pour moi, qui est là, je ne savais même pas qu'on allait faire un réveil à Belgique. Et oui, si. Personne ne m'a rien dit. Allô Lub? Ouais, tu m'entends? Oui, t'es où là? Parce que j'ai l'impression qu'il y a la radio derrière, non? Ouais, ça passe même vite, je trouve. Ah, c'est ça, radio. Ouais, c'est-à-dire que lui-même ne sait pas qu'il faut enlever la radio quand on passe à l'antenne. Là, merde! Bon. Désolé, c'était pas la radio, c'était un CD. Ah, c'est encore pire. D'accord. C'est encore pire. C'est-à-dire qu'en fait, il en a rien à foutre. Ah ouais, c'est encore pire. Bon, t'es où là, Lub? Avenue Albert, justement. Et alors, donc Albert à Bruxelles? Oui, Avenue Albert à Bruxelles. Et donc, je vais un petit peu crier dans le mégaphone. Et c'est parce qu'en fait j'avais l'intention de montrer un peu ma sono aux gens du quartier pour les réveiller. Mais bon, ah oui, sa sono, voilà, bah sa sono, ouais. Crie. Parce qu'il a une grosse sono dans sa voiture. Allez, c'est parti. Tous les matins, sur son radio, Lucas réveille la Belgique. Tous les matins, je suis dans mon temps sur son radio, Lucas réveille la Belgique sur le front par Poisson. Lucas réveille la Belgique tous les matins sur son radio. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Noël? C'est son mégaphone. C'est normal, c'est quoi cette musique là? Voilà. Eh ouais, voilà. Et si vous. Vous donnez un petit coup de klaxon là pour faire dégager. Un petit coup de klaxon pour faire dégager Lub là, qui est sur votre route là, si vous êtes avenue Albert là maintenant sur Bruxelles là. N'hésitez pas à le foutre dehors là. Bon Lub! Oui. Lub, oui, bon, arrête, oui. Parce que là, c'est juste, c'est la sonnette est insupportable. Autant la sirène avançait bien, mais là, l'espèce de clochette, là, c'est horrible. Hein. On se croirait dans un lunapark. Oui, c'est exactement oui, c'est ça. C'est exactement ça. Bon, Lub, reviens à la radio. Ok, à tout de suite. Ah, il va falloir chanter. Oui, il va falloir chanter aussi pour la déclaration express. Ce sera dans moins d'une heure, dans 40 minutes pour être précis. Et on a quelqu'un maintenant pour Lenko ou pas encore? Bien sûr. Ouais, bah, tant mieux. Et puis je vous rappelle aussi que dans un instant, c'est Jean-Claude qui appellera en Belgique, hein, tout simplement pour dire que ça va un peu mal au niveau de. Oui, c'est ce que je vais faire. Ça va un petit peu mal au niveau de la Gay Pride, ils n'ont plus d'argent, donc on va essayer de gratter un peu d'argent sur le côté. Et tout à l'heure, on est tombé sur une femme qui était à Bèze. Il n'y a pas d'humour apparemment. Allô? Allô, bonjour, c'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio, comment vas-tu? Ça va très bien, vous? Ça va très bien aussi, je t'appelle pour l'opération Lenco, t'as envie qu'on relook ton code ou ton appart? Attends une seconde. Oui, voilà, c'est mettre dans un endroit où il y a un petit peu moins de bruit, ce sera mieux. Ouais. Voilà, bah, je vais vous passer ma femme. Ah, bah, passe ta femme alors, hein, très bien. Espérons ouais, comme ça, on fait le tour de la maison. Bah, voilà, comme ça, on fait le tour du propriétaire, voilà, c'est bien. Avant de s'installer. Allô, la femme? Allô, oui, allô, bonjour, comment tu t'appelles? Stéphanie. Ah, t'as l'air d'avoir plus de patates que monsieur, hein? Ouais, mais c'est parce qu'elle ne s'en est pas encore occupée ce matin. Ouais, voilà, mais t'as l'air d'avoir un peu plus de patates que monsieur, ça fait plaisir. Bon, alors Stéphanie. Bah oui, moi j'ai seulement commencé à travailler, mais il a terminé. Ah, d'accord, ok. Bon, ah, oui. Steph, tu veux qu'on relook ton appart ou ton cote? Enfin, en l'occurrence, ce sera plus ton appart si t'es marié. Ah oui. Eh bah ouais, bah écoute, ce sera peut-être le cas, on t'appellera peut-être lundi pour le tirage au sort définitif. Là, quoi qu'il en soit, tu repars avec un lecteur MP3, ça s'est plié. Et peut-être que lundi, on t'appellera entre 6h et 9h30 pour te dire qu'on relook complètement ton appart. Avec, quand on dit relook, c'est au niveau high-tech, avec l'écran, le lecteur DVD, la barre de son, la tour iPod, le four à micro-ondes, le fer à repasser, etc., etc., etc. Tout ça, on te filera gratos, Stéphanie, peut-être lundi entre 6h et 9h30. Je te fais des bisous. Merci. Salut Steph, à bientôt. Et restez bien là, puisque dans un instant sur Fun Radio, il y aura David Guetta d'ailleurs. Je déplace encore à vous filer pour la soirée de demain soir. Soirée événement sur le site de Nandrin vers Liège de David Guetta. Si vous voulez gagner vos places, 63-22. Si vous me dites quel est le nom de la femme de David Guetta, qui s'appelle Guetta aussi, mais comment avant ça? Son prénom, quoi. Son prénom. C'est Homer Simpson sur Fun Radio. Alors comme ça, tu crois pouvoir réveiller tout le monde, hein? Eh ben, essaye de me réveiller déjà, excusez-moi, petit. Mickaël, à la radio. Et envoyez votre réponse au 63-22, j'avais oublié de le dire. Fun Radio, 7h50, j'allais dire 7h10, pas du tout, 8h10 à la limite. L'infotrafic maintenant avec Julie. Accident sur le 314 Lumel en direction de Leuven à hauteur de Rostelar. C'est la bande de gauche qui est obstruée au kilomètre 76.6. Et puis concernant les véhicules en panne sur le 42 Liège-Mons, eh bien la chaussée est à présent libérée. Eh ben c'est une bonne nouvelle. Si vous êtes témoin d'un problème sur la route, vous le savez, 30 44 50 centimes le message ou sur mikael@funradio.be. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0-473-86-00-13. Fun Radio. Fun Radio. Et nous allons écouter maintenant les meilleurs messages laissés sur cette ligne anti-relou. Le numéro qu'on met à votre disposition, le 0-473-86-00-13. Écoutez le premier message. Salut Fun Radio, ici c'est Nora de Martinet. Je remets un bisou à toutes les personnes qui me connaissent. Et écoutez Fun Radio, c'est super génial. Par contre, il faudra dire à celui qui fait les messages que ce n'est pas le répondeur des dédicaces. Hein. Oui. Voilà. Ben, ce n'est pas le répondeur des dédicaces, c'est le répondeur de la ligne anti-relou. Allez, deuxième message. Allô, c'est Jessica, dit voilà, pseudo Lila Tigresse. Ah. Je vois que tu sonnes sur le GSM de ta soeur, je t'attends toujours. J'ai mis mon string comme un léopard, je suis à la chambre d'hôtel, je suis assez payé chez toi, je t'attends. Bisous, mon chéri. Lèche-lèche. C'est Lily la tigresse. Dégueulasse, quoi. Mais oui, lèche-lèche. Bon, je te propose de lèche-lécher toute seule. Hein. Mais c'est ça. J'imagine un petit costume léopard. Comme ça. Non, ça doit être horrible. Je suis sûr que ça tirait bien. Ah oui, peut-être à moi. Oui. Je ne suis pas sûr. Tu sais, en lycra bien tendu. Oui, bien sûr. Sous 27 degrés, c'est bien. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Allez, troisième message. Oui, Mickaël. Voilà, pour t'avoir au téléphone, évidemment, c'est impossible. Donc, moi, je vais juste dire ton émission. Allez, ça va. Le matin, ça va. Le soir, ça déchire. Mais, franchement, débarrasse-toi de Julie, quoi. Elle sert à rien. Oh, bon, Julie est vexée. Elle va nous faire la même vanne que la passée. Oh, j'ai pas entendu ce qu'il a dit. Non, maintenant, j'ai écouté, j'avais pas entendu. Et c'est vrai que c'est. Pourquoi est-ce que vous avez sélectionné ce message? Tu demanderas à Fabrizio qui gère les messages sur le répondeur. Eh bien, je vais lui poser la question. Tu lui mets une grosse claque. Les auditeurs ont le droit de dire ce qu'ils pensent. Tu lui mets une grosse claque. Je lui fais quand même un gros bisou à celui qui nous a laissé le message. Bon, 7h52 sur Fun Radio. David Guetta Usher maintenant. David Guetta Usher avec Without You. Et je vous rappelle la petite devinette qui colle envoyée par Johan sur mon mail. Nous avons tous les deux la même somme d'argent au départ.

écoute Mickaël à la radio, 6h-9h30 sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Fun Radio. Et à 8h pile, petite info trafic qui vient d'arriver. Bouchon dans le zoning de Mons, près de Saint-Joseph. Merci à celui qui m'a envoyé le petit message à l'instant au 3044. Et puis je vous rappelle qu'il y a toujours des places pour l'événement qui aura lieu demain soir, la soirée David Guetta. Ce sera sur le site de Nandrin vers Liège. Si vous voulez choper vos places, hein, David Guetta vous les file gratuitement. Il a décidé de prendre Fun pour les filer et ça fait plaisir. Merci à toi David Guetta. Donc place à gagner si vous arrivez à me donner le nom, le prénom en l'occurrence de la femme de David Guetta, qui s'appelle Guetta aussi forcément. Mais quel est son prénom? La réponse au 63-22, c'est 1€ le message. Et on vous rappelle peut-être dans quelques minutes pour vous filer vos places pour venir avec la personne de votre choix pour la soirée spéciale David Guetta sur le site de Nandrin demain soir, 8h01 sur Fun. On passe maintenant à l'info avec Julie. Salut à tous. Michel Martin n'avait en réalité aucun plan de réinsertion. C'est ce qu'on peut lire dans le rapport du jugement du tribunal d'application des peines de Mons qui avait rejeté sa nouvelle demande de libération conditionnelle. Les avocats de l'ex-femme de Marc Dutroux n'ont présenté aucun plan de réinsertion pour leur cliente. Ils considèrent sa détention comme illégale étant donné que précédemment une décision de justice avait autorisé sa remise en liberté. Cet avocat estime également que le ministre de la justice s'est immiscée dans le dossier de manière abusive pour faire échouer cette libération au final. La prison de Verviers pourrait fermer ses portes plus tôt que prévu. Le bourgmestre Claude de Sama tape du poing sur la table. Il demande au syndicat de trouver un accord avec la direction alors que les gardiens sont en grève. Et il demande au conseil des ministres de trouver des solutions concernant le délabrement du bâtiment. La prison de Verviers devait être évacuée à la fin du mois d'octobre. Mais le bourgmestre menace de vider les bâtiments dès demain si le dossier n'avance pas. Mais les syndicats répondent que vider la prison demain est quasi impossible car il faut prévenir les corps de sécurité et il faut que les établissements d'accueil puissent accueillir les détenus. Les bus des TEC de Charleroi rouleront ce matin. Hier, les chauffeurs étaient en grève en réaction à une nouvelle agression survenue à Gilly où un bus a à nouveau été la cible de jets de pierre. La police a promis des renforts dans cette zone. En 6 mois, près de 9000 chômeurs ont été privés temporairement ou définitivement d'allocations par l'ONEM, soit un quart de plus que l'an passé. Le nombre de ces sanctions est 2 fois plus élevé en Wallonie qu'en Flandre. Il ne faudrait pas pourtant conclure que les chômeurs wallons refusent davantage de travailler, avertit l'ONEM. Les bureaux wallons ainsi que bruxellois suivent simplement de plus près les chômeurs de longue durée dans leur recherche d'emploi. Yves Le Terme et Elio Di Rupo ont décidé que les négociateurs chargés de la formation du gouvernement seraient chargés dès le début de la semaine prochaine de l'élaboration du fameux budget 2012. Et le formateur annonce déjà un budget rigoureux. Les négociateurs devront combler un trou de quelques 8 milliards d'euros. Ces négociateurs qui se retrouveront aujourd'hui pour continuer les discussions sur les transferts de compétences. En France, la romancière Tristan Bannon et Dominique Strauss-Kahn vont être confrontés l'un à l'autre par la justice à la demande de cette dernière qui accuse DSK de tentative de viol. Les faits se seraient déroulés en 2003. DSK nie farouchement. Toujours à l'étranger, un Américain a été arrêté alors qu'il voulait attaquer le Pentagone et le Congrès avec des petits avions téléguidés remplis d'explosifs. L'homme diplômé en physique a été inculpé à Boston. Il déclarait vouloir tuer des Américains et Midala. Et puis enfin en sport, en phase de groupe de Ligue des Champions, Genk s'est incliné 2-0 face à Leverkusen. Les Limbourgeois se retrouvent donc dernier de leur groupe avec un seul petit point. Et avant la météo, une info aussi qui vient d'arriver pour le trafic. Gros crash sur la route de Mons à Charleroi. Apparemment, il y aurait des blessés. Donc faites gaffe si vous êtes dans le coin. Et bah, évitez le coin aussi si vous pouvez le faire encore. 8h04 sur Fun Radio, passons maintenant à la météo. L'anticyclone toujours positionné sur le centre de l'Europe nous protégera encore et il nous garantira un temps chaud et ensoleillé. Températures qui grimperont dans le centre du pays jusqu'à 27 degrés le reste de la semaine et le week-end s'annonce sous le soleil. Et dans 30 secondes, eh bien il y aura l'infotrafic et on vous remboursera vos factures également. 63-22 en débutant votre message par facture. Comme un exemple, la 55€ pour des livres, 65€ pour la cotisation du club de badminton, 42€ pour Mobistar, 91€ pour télé. On appellera peut-être l'un d'entre vous d'ici quelques instants. 63-22, débutez votre message par facture avec le montant de la facture et l'objet de la facture. Fun Radio. Fun Radio. 8h06 sur Fun Radio maintenant, et c'est parti pour l'info en plus. Alors l'info en plus qui concerne un nouveau site internet un petit peu rigolo. Alors vous avez vécu une rupture difficile ou alors justement vous êtes resté très copain avec votre ex, et bien vous pouvez l'évaluer sur le site internet qui s'appelle X-Rated. Donc ce site vous propose un petit... Je vais voir, j'ai une très bonne note. Moi aussi, ça, ouais. Ce site propose donc un petit questionnaire de 2 pages à compléter concernant donc par exemple le type de relation que vous avez vécu avec votre ex, les conseils que vous donneriez pour bien s'entendre avec lui, votre appréciation sur son hygiène, son intelligence, etc. Les ex... des trucs où j'ai des bons points. Mais oui. Les ex obtiennent alors une note globale. Et donc voilà, ça permet aux peut-être futurs potentiels amoureux, amoureuses de votre ex d'aller checker un peu ça et vérifier si il est bien coté. Alors le créateur du site dit quand même que vous n'iriez pas dans un restaurant s'il n'a jamais été évalué. C'est comme ça qu'il justifie la création de ce site internet. Moi, je vais conclure par un homme averti en vaut deux. Exactement, ouais. 8h07 sur Fun Radio. Nous allons dans quelques instants payer vos factures. Je vous l'avais dit au 63-22. On va continuer à offrir les places pour la soirée spéciale David Guetta qui aura lieu sur le site de Landrin. Comment se prénomme la femme de David Guetta? 6-3-2-2. Le son de Mika sur Fun Radio avec Elle me dit. Tous les matins. Fun Radio paye vos factures. Eh oui, c'est chaque matin comme ça que ça se passe. On a déjà remboursé plus de 1 500 € de factures depuis qu'on est là. Et Dieu sait que ça ne fait pas longtemps qu'on est là. Et Dieu sait que normalement on devrait rester longtemps. Moi, ça, on va. Mais quelle jolie phrase, tiens. Dieu sait que ça ne fait pas longtemps, mais que l'on va rester longtemps. Bah, normalement, en tout cas, j'espère. Bon, 63-22, débutez dans votre message ans, par facture. Bah, qui sait. Vous débutez votre message par facture avec le montant de la facture et l'objet de la facture. Alors, on appelle maintenant chez quelqu'un au hasard pour lui rembourser sa facture. C'est parti. Allô, allô. Allô. Ah, ça n'a même pas eu le temps de sonner, c'est magnifique. Bonjour, qui te paye tes factures chaque matin? C'est Max. Ah non, pas du tout. Ah non, non. Ah non, allez, cherche encore. Essaye avec Albert, peut-être. Hein, cherche non, encore. C'est Mickaël. C'est sur quelle radio? Parce que bon, comme tu es quand même trompé de prénom au début, je voudrais m'assurer quand même que la radio soit la bonne. C'est ça, radio. Ah, quand même, voilà. Mais alors, d'où vient Max? Ben, Fun Radio aussi. Ah oui, mais enfin, ça fait bien longtemps quand même. Hein. Oui, c'est quand j'étais plus jeune. Ça ah fait oui, bah voilà, bah c'est ça. D'accord, ok, très bien. Bon, alors, comment tu t'appelles? Alors, c'est Jezira. Jezira, c'est ça? Oui. D'accord, comme Al Jazeera, mais sans le Al, quoi. Super. À peu près, mais c'est ça, c'est pour avoir une idée. J'ai trouvé de rire, j'en peux plus. Dis donc, Josiane. Hein? Non, là, tu l'as vexé. Il va falloir redescendre de ton nuage, hein, sinon ta facture, tu sais ce que je vais en faire, hein? Hmm. Allez, combien la facture d'ailleurs, Teuf? 3 452 €. Non. Combien? 30 euros. 30 euros, c'est pour te rembourser euros, combien oui. là? C'est pour te rembourser quoi, pardon, avec 30 euros? C'était pour me rembourser mes médicaments. D'accord, ok, très bien, c'est parfait. C'est pour ça que t'es un peu de mauvaise humeur. Mais voilà, bah, voilà. C'est ça, parce qu'elle est un peu de mauvais poil ce matin. On a dû la réveiller au saut du lit, là. C'est dommage. Mais si tu vas à l'infirmier, je suis là. Mais ouais, bah tu parles, donc quel infirmier. Bon, en tout cas, on va te rembourser ta facture, il n'y a pas de problème. Ok. Et t'as vu, c'est parce que je suis pas rancunier. Bon, gros bisous à toi et passe une bonne journée. Bonne journée à vous. Allez, à bientôt, ciao à toi. Bon, eh bien, on remettra le couvert dans moins d'une heure, hein. On va rembourser à nouveau vos factures. 63-22, vous débutez votre message par facture avec le montant de la facture et l'objet de la facture. Bon, accessoirement, si vous êtes de meilleure humeur, ça ne nous gâchera pas la vie, hein. Non, c'est ça. Ah ben voilà. On peut être de bonne humeur le matin aussi. Oui, hein, par exemple. Mais oui, toujours. Moi, ah ouais, bonne humeur. Je suis problème. Le rayon de soleil, comme disait le petit auditeur qui nous avait envoyé un gentil message. Oh, le rayon de soleil de l'émission. Mais ouais, je lui fais plein de gros bisous, mais il l'a pas signé. Donc, ou elle ne l'a pas signé. C'est donc, dommage. Bon, 8h13 sur Fun Radio, restez bien là, puisque dans un petit instant, il y aura l'horoscope de Doudou. Et il y aura aussi le son d'Avicii avec Levels. Et je vous rappelle toujours que pour gagner vos places pour la soirée David Guetta, il faut me donner le prénom de la femme de David Guetta au 63-22. Bonne chance. Ne bougez pas. Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. Mickaël à la radio. Fun Radio. Salut, c'est Jean-Marc Morandini. Je suis super heureux d'être en Belgique. Mais pourquoi fallait-il que j'aille voir aussi Mickaël à la radio? Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Il est 8h15 sur Fun Radio, bon réveil tout le monde. Dans un instant, on se fera un petit... on va faire une petite déclaration express. Il y aura aussi un petit déj service si vous voulez participer à l'un des deux. 3044 par SMS, vous débutez votre message par déj ou par déclaration. C'est aussi simple que ça. Dans un instant, l'horoscope également avec Doudou et Avicii qu'on écoute maintenant sur Fun Radio, c'est Levels. Avicii sur Fun Radio, c'était Levels, il est 8h18, bon réveil tout le monde, c'est Mickaël à la radio, on est ensemble évidemment jusqu'à 9h30, ça c'est comme chaque matin, avec dans un instant les places pour le show de David Guetta qui aura lieu donc sur le site de Nandrin vers Liège, place à gagner maintenant au 6322 si vous avez le prénom de la femme de David Guetta, bonne chance tout le monde, vous envoyez vos réponses au 6322. Fun Radio, l'horoscope. Et dans un instant il y aura Jarul aussi avec Ashanti, ce sera Always on Time. Mais oh oui, avant c'est cela. Un bon son, ça. Ah ouais, bah, un bien petit sûr. Temps, c'est bon de réécouter. J'ai pas l'habitude de passer de la merde, tu sais. Ah bon, je pense que c'est pas T'inquiète. Bon, allez, on va se faire l'horoscope. L'horoscope, comme si j'avais un peu le nez bouché. Bon, Doudou, vous recevez des mails maintenant, apparemment. Hein. Oh, mais oui, alors. On reconnaît enfin mes talents. Bon, enfin, n'abusons pas non plus. Mais enfin, bon, il dit quoi ce mail? Alors, s'il nous dit Twist qu'il veut rester anonyme, hein, mais elle m'a dit ça. Doudou, je suis balance, je suis amoureuse d'un garçon et je sais pas comment je peux lui déclarer ma flamme. J'ai 18 ans et quand est-ce que les étoiles elles seront avec moi? Ah, et vous avez une réponse? Tu as une réponse, oui, vous avez une réponse. Bah, eh bien, je crois que j'ai bien pesé le pour et le contre. Balance, pesez le pour et le contre. Ah, oui, d'accord, merci. Ok, ouais, ouais. Je vous en prie. Et je crois que c'est le moment d'y aller. Ah, vous êtes sûr? Bah oui, c'est une fille, non? Et alors? Et ben c'est tout. Hein. Vous connaissez beaucoup de mecs qui refusent les avances d'une fille, vous? Ah oui, ça, ouais, c'est vrai que c'est rare. Vu comme ça. Allez, les béliers. Alors, si vous êtes bélier, ben vous avez le sentiment que tout le monde s'est juré contre vous. Mais vous vous trompez, les gens, ils vous aiment. Oui, ben c'est exactement ça, oui. Les taureaux. Une journée difficile s'annonce et qui va exiger beaucoup de vous. Les gémeaux. Par contre, il se passe vraiment des choses. Oui, c'est vrai. Les gémeaux. Vous allez résoudre une dispute familiale grâce à votre habileté. Les cancers. En amour et dans votre vie de couple, tout est en ordre. De nouvelles portes vont s'ouvrir. Les lions. Oui, je savais qu'elle aimerait ça, ouvrir de nouvelles mais portes. Mais oui, bien sûr. Les lions. Faites ces changements en douceur et de façon réfléchie. Les vierges. Votre ton ironique ne vous fait pas que des amis. Les balances. Soyez plus diplomates. Très bien, les scorpions. Ce n'est pas toujours la meilleure chose à faire que de travailler dans la précipitation. Regardez, faites comme moi. C'est ça. Les sagittaires. Aujourd'hui, vous avez besoin de beaucoup de câlins. Les capricornes. Oui, oui, c'est ça, Doudou. Les capricornes. La routine vous a de nouveau pris. La semaine va être éprouvante. Bon, heureusement, les jeudis. Hein. Les Verseaux. Arrêtez de broyer du noir, vous n'avez aucune raison, tout va bien. Et enfin, pour finir, les poissons, Doudou. Après le sport, pensez au massage pour vous détendre vos muscles. Bah oui, bah bien sûr, tant qu'à faire. Bon, bah merci, Doudou, à tout à l'heure. Mais oui, pas de problème, je reviens. Bon, pour info, c'est pas Catherine Guetta hein, qu'elle s'appelle. Hein. T'es pas loin, cela dit. Ah, mais c'est pas loin, mais c'est pas Catherine. Ce serait moins... Oui. Moins sexy, Catherine Guetta. Tout de suite beaucoup, tout de suite beaucoup moins, oui. Peut-être même... que son prénom à la base, c'est Catherine. Hein. C'est vrai, elle a le même prénom que la Saint-Hardis de Vigne ce soir. Oui. Pour ceux qui suivent un petit peu l'histoire, là. Tout à fait. Maréchal. 6322, quel est le prénom de la femme de David Guetta? Bonne chance tout le monde. Et on va s'écouter le son de Ashanti maintenant, c'est parti. Hein. Jarul et Ashanti, Always on Time, maintenant sur Fun Radio. Et juste après, Déclaration Express, bien sûr, avec Sébastien Loeb, comme chaque matin. Jarul et Ashanti, à l'instant sur Fun Radio, c'était Always on Time à 8h25. Bonne matinée tout le monde. C'est Mickaël à la radio, on est ensemble jusqu'à 9h30. Pourquoi cette musique de l'infotrafic alors que tu n'as pas d'infotrafic, Julie? Non, je n'ai pas d'infotrafic. Ah bah ouais, il faut pas lancer ta musique alors. C'est toi qui ne sais pas te servir de tes deux mains, Mickaël. Incroyable. Mais je crois que tout le monde l'a bien compris. Incroyable. Bon, nous avons qui avec nous pour la déclaration express? C'est Antonio. Antonio, bonjour Antonio. Buongiorno a tutti. Buongiorno a toi aussi. Comment ça va, Antonio? Ça va bien, c'est le principal. Hein. Bon, Antonio, nous allons appeler ta copine ou ton copain, je ne sais pas. Ma copine, Je crois rien, moi, il n'y a pas de problème. Bon, alors, Antonio, elle s'appelle comment ta copine? Carla. Carla, d'accord, ok, très bien. On va donc l'appeler. Non. Ah, super, c'est même pas une blague. On va donc l'appeler et toi va venir nous mettre les deux personnes en même temps dans le standard, bien entendu. Et donc tu vas l'appeler pour une petite déclaration express. Bah, le concept est pas très compliqué. Dès qu'elle décroche, allô. Allô. Ah ben bah, déjà là, Carla. Oui. Bonjour Carla. Oui, bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui. Tu aimes les messieurs tout nus? Oui. Je suis open à tout. Hey, oh là, Antonio, reste calme, Antonio. Bon, c'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio. Et Antonio, tu connais Antonio, Carla? Oui, je vois qui c'est. C'est heureusement encore. Hein. Eh bien, il avait quelque chose à te dire. Écoute bien, en chanson, c'est la déclaration express. Oh merde, ouais, non, on va, je sais pas où on va là, mais très loin. Ah, oh, see you. Quand je t'ai croisé, je suis devenu fou. C'était dans un bar à jambes blues. Je me suis dit en moi-même, oh mon Dieu, qu'elle est bonne. Puis tu m'as appelé, tu avais soif, j'ai rappliqué en faisant là c'est toi qui m'as dit oh mon Dieu le gogol. Oui, effectivement, elle avait plutôt raison d'ailleurs. Oui, c'est sûr. Ouais, voilà, Carla, cette petite déclaration express de Antonio pour toi. Qu'est-ce que tu en as pensé? Oh, c'était beau. C'est quoi, tu dis? C'est très mignon, mais oui. Mais alors, attends, Antonio, t'es là encore? Oui, oui, je suis là. Antonio, c'est ta copine ou t'aimerais bien que ça le devienne? Ben, j'aimerais bien que ça devienne, bien sûr. On travaille ensemble, en fait. Hein. D'accord, ok. Alors, Carla, le verdict? Bon, ben, on pourra aller boire un verre ensemble. C'est déjà ça. Là, quoi. C'est déjà ça. En gros, elle va juste pomper un petit peu, quoi, les 15 euros pour le verre, et puis basta, quoi. Après, on verra bien. Non, j'en suis sûr. Je le ressens. Oui, évidemment. On dirait Massimo Gargia qui me parle là. Oui, c'est magnifique. Ça. Il va ouvrir la chamise, sortir les gourmettes en or, et sortir ça va bien se passer. Sortir les poils et tout ça. Il n'y a pas de problème. Bon, on va passer la bonne journée tous les deux. Et tu nous tiens au courant, Carla, hein? D'accord, ça va. Bon, allez, grazie mille à toutes. Hein. Allez, grazie mille à toi, y a pas de problème. Salut à vous, bonne journée tous les deux. Bonne journée à tous. Allez, bonne journée à toi également. Et bougez pas là dans un instant sur Fun Radio. C'est DJ Abdel qui arrive avec Soprano, c'est ma life. Ça va arriver dans un instant ainsi que la devinette qui colle. Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Salut, c'est Jean-Roch. Tous les matins, j'écoute Mickaël. J'adore Mickaël. Non, en fait, j'adore pas, il est relou. Fun Radio. Tous les matins sur Fun Radio, effectivement, on est là à 8h30. Dans quelques instants, nous aurons les infos avec Julie, évidemment, comme chaque matin. Mais avant cela, nous avons bien entendu la devinette qui colle pour repartir avec soit un écran plat, soit les places pour le parc Astérix, micro-chaîne Philips également, appareil photo numérique Samsung ou encore le pack Wii avec la console, les manettes et des jeux, évidemment. Si vous avez la bonne réponse à la devinette qui colle, écoutez-la bien. Chacun a la sienne, que nul ne doit copier, car l'imiter peut nous faire emprisonner. Fameuse et attestée, elle est collectionnée et pourtant une simple croix peut la remplacer. Si vous avez la bonne réponse, 6322, c'est 1 euro le message et il y a tout ça à gagner. Hein. Vous choisirez un de ces cadeaux-là. Je répète, chacun a la sienne que nul ne doit copier, car l'imiter peut nous faire emprisonner. Fameuse et attestée, elle est collectionnée. Bon, c'est des stars en général. Et pourtant, une simple croix peut la remplacer. Qui est-elle? 6322, bonne chance tout le monde! Un indice, Julie, éventuellement? Je cherchais, je dirais, dédicace. Ah non, c'est pas dédicace, non. Bah, pour l'indice, tu parles? Si, oui, ah oui, bien sûr, ah oui, tout à fait, on est d'accord. Oui, bah oui, je vais pas être balancé. On sait jamais, hein. Dédicace. Allez, 8h31, l'info maintenant avec Julie. Salut à tous, Michel Martin n'avait en réalité aucun plan de réinsertion. C'est ce qu'on peut lire dans le rapport du jugement du tribunal d'application des peines de Mons, qui avait rejeté sa nouvelle demande de libération conditionnelle. Les avocats de l'ex-femme de Marc Dutroux n'ont présenté aucun plan de réinsertion pour leur cliente. Ils considèrent sa détention comme illégale. Étant donné que précédemment, je perds ma voix de nouveau. Excusez-moi. Bonjour, c'est Marc Simpson. Oui, pardon. Julie Simpson pour les informations. Allez, c'est parti. Il considère sa détention comme illégale, étant donné que précédemment, une détention de justice avait été autorisée, donc avait autorisé sa remise en liberté. Ses avocats estiment également que le ministre de la Justice s'est immiscé dans le dossier de manière abusive pour faire échouer cette libération au final. La prison de Verviers pourrait fermer ses portes plus tôt que prévu. Le bourgmestre bourgmestre Claude de Sama tape du poing sur la table. Il demande au syndicat de trouver un accord avec la direction alors que les gardiens sont toujours en grève. Et il demande au conseil des ministres de trouver des solutions concernant le délabrement du bâtiment. La prison devait être évacuée à la fin du mois d'octobre, mais le bourgmestre menace de vider les bâtiments dès demain. Mais les syndicats répondent que vider la prison de Verviers demain est quasi impossible car il faut prévenir les corps de sécurité et il faut que les établissements d'accueil puissent accueillir les détenus. Les bus DTEC de Charleroi rouleront normalement aujourd'hui. Hier, les chauffeurs étaient en grève en réaction à une nouvelle agression survenue à Gilly où un bus a nouveau été la cible de jets de pierre. La police a promis des renforts dans cette zone alors qu'on apprend ce matin qu'une nouvelle agression a eu lieu hier soir dans un bus à proximité de l'aéroport de Charleroi. Un chauffeur a prié un passager sans titre de transport de descendre du bus. Une bagarre a éclaté et le chauffeur a fini sa journée à l'hôpital. En 6 mois, près de 9000 chômeurs ont été privés temporairement ou définitivement d'allocations par l'ONEM, soit un quart de plus que l'année dernière. Le nombre de ces sanctions est 2 fois plus élevé en Wallonie qu'en Flandre. Il ne faudrait pas pourtant en conclure que les chômeurs wallons refusent davantage de travailler, a averti l'ONEM. Les bureaux wallons ainsi que bruxellois suivent simplement de plus près les chômeurs de longue durée dans leur recherche d'un emploi. Yves Le Terme et Elodie Rupeau ont décidé que les négociateurs chargés de la formation du gouvernement seraient chargés aussi dès le début de la semaine prochaine de l'élaboration du fameux budget 2012. Et le formateur annonce déjà un budget rigoureux. Les négociateurs devront combler un trou de quelques 8 milliards d'euros. Ah oui, ces négociateurs qui se retrouveront aujourd'hui pour continuer les négociations sur le transfert de compétences. En France, la romancière Tristan Bannon et Dominique Strauss-Kahn vont être confrontés l'un à l'autre par la justice à la demande de la romancière qui accuse DSK de tentative de viol. Les faits se seraient produits en 2003. DSK nie farouchement. Enfin, en sport, en phase de groupe de Ligue des Champions, Genk s'est incliné hier soir 2-0 face à Leverkusen. Les Limbourgeois se retrouvent donc dernier de leur groupe avec un seul petit point. Et il y a Mehdi qui signale également un gros ralentissement entre Liège et Verviers sur la N61. Il ne connaît pas la cause puisqu'il est à l'arrêt. C'est dans le sens Verviers vers Liège également. Et puis un ralentissement aussi des travaux. C'est sur la E42 entre Namur et Mons, entre Sambreville et Timion. Et la météo maintenant, que se passe-t-il ? L'anticyclone toujours positionné sur le centre de l'Europe nous protégera encore et il nous garantira un temps chaud et très ensoleillé, non pas de pluie au programme. Température jusqu'à 27 degrés, le reste de la semaine s'annonce ensoleillé, pareil pour ce week-end. La pluie va venir se venger très rapidement. Un jour ou l'autre, ça c'est sûr. Ça va être d'une violence. Ah, vous avez profité du soleil pendant une semaine, bande de cons, vous allez voir. Ah, tu ne sais pas. Non, mais il fera certainement pas beau comme ça jusqu'au mois de décembre, je pense. J'espère. Hein, mais on ne sait pas. Ouais, mais c'est vrai qu'on ne sait pas, mais bon. Fun Radio. Passons maintenant à l'info en plus. Alors, je viens encore d'en discuter. Ça négocie toujours pour rechercher un gouvernement. Donc, on n'a toujours pas de gouvernement en Belgique, toujours pas de Premier ministre. Enfin, il nous reste toujours Yves Le Terme qui est Premier ministre démissionnaire en attendant. On dit qu'il est en affaires courantes, comme ça vous savez tout. Mais ça fait longtemps qu'il est en affaires courantes. Oui, il court beaucoup là. Ouais, c'est ça. Il court beaucoup en France, surtout. Il court depuis plus de 470 jours hein, quand même. Donc voilà. Eh bien, le site de recherche d'emploi monster.be a lancé une action un petit peu rigolote. Le site d'emploi propose aux Belges de postuler jusqu'au 10 octobre à la place de Premier ministre. Oui, pourquoi pas, c'est original. Donc voilà, vous pouvez envoyer. Bon, il y a une page Facebook qui a été créée pour monster.be. Vous pouvez envoyer donc votre CV, des vidéos, des illustrations ou animations, un peu de créativité, hein, des trucs un peu originaux. Il y a carrément un jury présidé par un journaliste politique qui choisira les 6 meilleures candidatures. Et puis après, c'est le public qui décidera avec le jury qui deviendra le Premier ministre de la Belgique et qui empochera surtout donc le bonus de 1000 euros. Et le nom du gagnant sera communiqué le 17 octobre. Sympathique. Toi qui te plains toujours de pas être assez payé. Voilà. Ben voilà. Hein, ouais, c'est le moment. Mais c'est 1000 euros une fois. Hein. C'est pas. Ouais, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est le budget pour refaire ma porte de voiture. Allez, c'est déjà ça. Au revoir. Voilà, DJ Abdel et Soprano, ça va arriver dans un instant sur Fun Radio à 8h36. Et pour gagner tous les cadeaux de la devinette qui colle, c'est-à-dire les chaînes, les appareils photo numériques, les places pour Astérix, écran plat également, ou encore des consoles Wii, les packages consoles Wii, vous choisirez un de ces cadeaux si vous avez la bonne réponse à la devinette qui colle. Chacun a la sienne que nul ne doit copier, car l'imiter peut nous faire emprisonner. Fameuse et attestée, elle est collectionnée. Souvent quand c'est une de star par exemple. Et pourtant, une simple croix peut la remplacer. On lui avait donné un indice dédicace tout à l'heure. C'est un peu ça, effectivement. Qui est-elle? La bonne réponse au 6322, c'est un euro le message. Bonne chance. Mickaël, à la radio. Salut, c'est Cartman. C'est toi aussi, tu t'es appelé la mère de Kyle hier? Ta gueule, Cartman. Écoute, Mickaël à la radio, 6h-9h30 sur Fun Radio. Mickaël, à la radio. Fun Radio. Allô. Pour mes camarades, le son de Soprano à l'instant avec DJ Abdel, 8h41, bon réveil tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin, on est ensemble jusqu'à 9h30. Et si on prenait quelqu'un pour David Guetta maintenant là, mais pour lui filer des places, allons-y. Filons des places. Et puis on essaiera encore d'appeler tout à l'heure avec Jean-Claude des particuliers forcément, pour essayer de négocier un peu d'argent pour la Gay Pride l'année prochaine. Puisque c'est un petit peu tendu, apparemment il n'y a plus assez d'argent. Donc Jean-Claude, vous savez, qui est un tenancier d'un bar un peu particulier, hein, a décidé de prendre en charge la Gay Pride l'année prochaine. On peut dire que c'est un bar select. C'est un bar très select, effectivement. Julie n'y est pas de mise d'ailleurs. Allô, bonjour, comment tu t'appelles? Coralie, c'est Mickaël, t'es sur Fun Radio, ça va bien? Oui, toi? Mais oui, ça va plutôt bien. Coralie, t'as quel âge? T'es dans quelle ville? 19 ans. Et Charleroi, tu peux couper ta radio, Coralie, s'il te plaît? Oui, mais tu peux couper la radio, s'il te plaît. Voilà. N'hésite pas, tu lui mets un petit taquet le matin, ça fait toujours du bien. Bah ouais, tu lui mets un petit stop, comme ça va être bien. Bon, Coralie, tu t'es inscrite pour choper des places pour David Guetta. Il faut me d'abord répondre à la question, comment se prénomme la femme de David Guetta? Cathy Guetta, ah ben oui, en toute simplicité. Effectivement. Pas mal, bravo à toi. Question très difficile. Grâce à ça et grâce à David Guetta, tu iras donc demain soir sur le site de Landrin vers Liège pour aller assister au show de David Guetta. Donc en plus ça va être plutôt bien puisque là ils annoncent du beau temps et tout, donc ça peut être un très bon plan. David Guetta qui sera là demain soir en chair et en os, on te file tes places et puis bah, je te fais des gros bisous. Merci. Eh ben écoute, à bientôt. Salut à toi, ciao à toi. Et reste au standard, on prend tes coordonnées. Gros bisous à toi Coralie. Et puis les autres, restez là, on a encore des places à vous filer ce matin, ce sera avant 9h30. Et puis pour les autres, bah il reste encore des places. Hein. La soirée n'est pas complète du tout, donc vous avez de la chance. Il vous reste encore des places. Si vous les gagnez pas, vous pouvez les acheter sur thelegends.be si vous le souhaitez, n'hésitez pas. 8h43 sur Fun Radio. On va se faire dans un instant la ligne anti-relou, l'infotrafic également et Lady Gaga. Ah bon, on va se faire, on va l'écouter bien sûr. Hein. Parce que bon, physiquement, c'est pas trop ma came personnellement. Lady Gaga avec You and I. Ça va arriver sur Fun Radio. Bonne matinée tout le monde. Mickaël à la radio. Mickaël revient juste après ça. Fun Radio. 8h48 sur Fun Radio, on fait un tour du côté de l'infotrafic maintenant. Qu'est-ce qui se passe sur les routes, Julie? Accident sur la 602, chaînée en direction de Loncin, à hauteur de Liège, dans le tunnel Kinkempois. Oh là là, il faut suivre. Hein. Ouais, c'est la bande là, d'arrêt d'urgence qui est obstruée au kilomètre 10. Si tu essayes avec Quincampoix. Quincampoix, oui, ce sera plus facile. Voilà, c'est ça, ouais. En direction de Bruxelles. C'est et la bande d'arrêt d'urgence. Radar aussi sur la 54, bloqué. Pardon. Oui, voilà. C'est ça qui vient d'arriver, c'est à Charleroi, à Lutre. Voilà, tout simplement. D'autres infos trafic? Non. D'accord, ok, très bien. Et pour info, c'est au kilomètre 10.5 qu'on vient de m'annoncer là, ton accident dont tu venais de parler. Oui, bon, on n'est pas dans le détail non plus. Bah, hein, écoute, voilà. Je l'ai dit. Donc, d'accord. Et un accident sur la E40, autant pour moi. À Aix-la-Chapelle aussi, vers Liège, à Chérat, au kilomètre 96.7. Voilà. Bon, et toutes vos informations, n'hésitez pas à nous les donner, mais évidemment, vous nous envoyez tout ça au 3044 ou alors sur le mail mikl@funradio.com. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0 473 86 00 13. Fun Radio. Et nous allons maintenant faire un tour du côté de la ligne anti-relou. La ligne anti-relou, c'est chaque matin sur Fun Radio les meilleurs messages qui ont été déposés sur le 0 473 86 00 13. Le concept, je le rappelle, vous retenez ce numéro par cœur, surtout vous les filles bien évidemment, vous retenez le numéro de téléphone par cœur et du coup quand un relou vous croise, ou que vous croisez un relou plutôt, eh bien vous, pour vous débarrasser de lui, vous lui donnez le numéro de la ligne anti-relou. Du coup lui va croire avoir fait la bonne affaire, l'affaire de l'année, en ayant votre numéro de téléphone, en ayant réussi facilement à avoir votre numéro de téléphone, sauf qu'en fait c'est pas le vôtre, c'est le nôtre. Il va donc appeler et laisser un message comme par exemple celui-là. Oui, bonsoir Vanessa, je m'en suis arrangé, je suis l'ami de Dorothée et de Johan. C'est Dorothée qui m'a donné ton numéro de téléphone pour que je te contacte. te recontacterai. Ça va? Ben, une bonne soirée et à très bientôt, j'espère. Au revoir. Oh l'enfoiré, l'ami quand même qui lui a donné le numéro de téléphone de l'ami sur relou. Regarde la meuf là, elle est intéressée partout et tout, je te file ton numéro, regarde. C'est là que tu sens les vrais amis. Ouais, ouais. Oui, c'est très bien numéros. Ton genre, tiens, ça te fait. Ah ouais, bien sûr, ouais, tout à fait, bah oui, évidemment. Et alors, autre message laissé sur la ligne anti-relou ce matin. Pourquoi il marche plus? Non, il n'a pas envie. Bah non, bah il marche plus, hein. Pourquoi ça marche c'est plus? C'est peut-être le méchant message. La ligne anti-relou est en panne. Ah non, bah il n'y a pas que la ligne anti-relou qui est en panne. Tout est frisé sur mon tu ordinateur. Tu as encore tout cassé, Mickaël. Tu ne sais décidément pas te servir d'un ordinateur. Tout est frisé, mon écran est tout blanc. Ah oui, tiens, oui, je vois effectivement le... J'ai le retour qui est tout blanc également. Ah bah on est bien là, on est bien ou on est pas bien? Attends, on va faire la ligne anti-relou. Ah, c'est lancé. Qu'est-ce qui se passe là? Voilà, ça y est. Allô, c'est Jessica, dit pseudo Lila Tigresse. Je vois tu sonner sur le GSM de ta sœur, je t'attends toujours. J'ai mis mon string comme un léopard. Je suis à la chambre d'hôtel. J'ai assez payé chez toi, je t'attends. Bisous, mon chéri. Lèche. Oh non, quelle horreur. Oh là chaque là fois, là. Ça me choque. Lily la tigresse, quoi. Lily la tigresse qui termine lèche. Ah, ça c'est bon, lèche. Oui, c'est magnifique. Voilà, retour de la ligne anti-relou, ce sera demain à partir de 6h du mat, comme d'habitude sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde, il est 8h51. Et puis on va s'écouter le son des Digga maintenant, c'est You and I. Je vous rappelle aussi d'ailleurs brièvement une dernière fois la devinette qui colle, écoutez-la bien, puisqu'il y a des packs Nintendo Wii à gagner avec la console, les manettes et le jeu. Il y a également des écrans plats à gagner, des places pour aller au parc Astérix, des appareils photo numériques Samsung ou encore des micro-chaînes Philips. Si vous avez la réponse à la devinette qui colle, chacun a la sienne que nul ne doit copier, car l'imiter peut nous faire emprisonner. Fameuse et attestée, elle est collectionnée et pourtant une simple croix peut la remplacer. Qui est-elle? Julie avait donné un indice tout à l'heure. Hein. Dédicace. Quelqu'un proposait l'identité. Non, pas du tout. Par contre, tu dois la poser sur des papiers d'identité, quoi qu'il arrive. La bonne réponse au 63-22, bonne chance. Et le son de Lady Gaga qu'on écoute tout de suite. C'est You and I sur Fun. Il est 8h52. Bon réveil tout le monde, c'est jeudi le 29 septembre. Lady Gaga sur Fun Radio à l'instant avec You and I, il est 8h56, bon réveil tout le monde. Et ce matin on est un peu comme Lady Gaga, on défend les homosexuels. Mais oui, voilà. On essaye de leur trouver de l'argent pour sauver leur gay pride. Exactement, et pour ça bien évidemment on t'a fait appeler Jean-Claude ce matin. Hein. Mais oui, c'est un peu notre grande amie, je sais pas trop. Enfin, oui. Enfin, qui tient un bar très select, hein, puisque généralement, bon par contre là-bas c'est pas sur la tenue, hein, c'est plus sur les mœurs, hein, si tu peux rentrer c'est ou select, pas. Voilà, c'est ça, voilà. Exactement. C'est le famous... Fucking Blue Boy. Exactement. Et donc Jean-Claude appelle pour demander aux gens un don, quoi, c'est ça, hein? Bah oui, parce que moi je veux encore monter sur mon char, remuer mon petit corps, tu vois très bien. Mais oui, mon je vois bien. Est-ce que Julie est invitée sur votre char cette année si jamais il y a la Gay Pride? Ah bah ça dépend, si elle fait un joli don, elle pourra venir. Ah. Écoute, je vais y penser, je vais y réfléchir très sérieusement. Par contre, il faudra qu'elle mette son petit short à plume. Hein. Oui, le fameux short à plume. Ouais. Mais sache que je le retrouve. Sachez Jean-Claude qu'elle a décidé de ne réfléchir qu'à ça aujourd'hui. Hein. Ah bah tant mieux. Ah oui, elle ne consacrera sa journée qu'à ça d'ailleurs. Pour une fois qu'une femme aura quelque chose dans la tête. Bah, c'est bon, ça va, on va peut-être s'arrêter là, hein, les garçons. Enfin, les garçons. Bon. Jean-Claude, on appelle quelqu'un, on a appelé à B tout à l'heure, ça s'est mal passé, à la Buissière. Vous êtes trompé de numéro de téléphone, monsieur. Vous êtes trompé de téléphone. Il nous fait un résumé là, c'est ça. On avait pourtant appelé trois fois. Oui, c'est comme le résumé ça qu'on appelle. Des épisodes précédents. Tout à fait, pour ceux qui n'étaient pas forcément là. Et nous allons où maintenant, Jean-Claude? Nous allons à Argimont. Argimont, allez, c'est parti, on y va. Déjà, ça sonne, c'est pas mal. Est-ce qu'il va se faire baquer comme les autres fois? On ne sait pas. Mais non. J'ai bien l'indice. Pronostic, Julie? Échec. D'accord. Voilà, ça ne décroche pas. Donc. Oh, ça va décrocher, ça c'est sûr, ça décroche à un moment donné. Allô? Ah. Allô, bonjour madame. C'est Jean-Claude à l'appareil. Je vous réveille pas, j'espère. Ah bon, ben ça me fait plaisir alors. Bon voilà, en fait, je vous appelle parce qu'on a des petits soucis pour notre Gay Pride de l'année prochaine. Et en fait, j'aurais voulu savoir si vous auriez pu nous faire un petit don pour qu'on puisse continuer à faire la Gay Pride. Hein, parce que vous comprenez, j'aimerais bien continuer à me trémousser sur mon petit char. Et donc, bon, ce serait gentil si vous faisiez un petit don. Vous savez, pas grand-chose, hein, on va pas vous embêter. Mais bon, 100 ou 200 euros, ce serait pas mal. Ah bah oui. Ah oui, c'est au moment où vous avez dit le chiffre, hein, que ça a perturbé le monde. C'est toujours comme ça. Dès qu'on parle d'argent, après les gens, voilà, ils raccrochent. Bon, on va les rappeler. Bah on va les rappeler. Allez, c'est parti. Mais les V. Ah oui, gros, t'en as pas marre, hein? Et alors, en plus de ça, tu marques ton numéro. Si c'est moi qui t'attrape, je te garantis que je vais te péter ta gueule. Ah oui, oui, oui, ça me ferait plaisir que tu m'attrapes contre un mur violemment. Écoute, conneries, écoute, arrête de m'emmerder parce que ici j'ai une petite de 9 mois. Elle dort et toi tu vas la réveiller. Je te jure que si tu la réveilles, je m'arrangerai pour essayer de te retrouver. Ça va? Ok. Ah, ah loulou. Arrête tes conneries. Bah attends, fais-moi un petit don quand même pour ma Gay Pride. Ah bah non, mais non, ah, loulou. Ah ouais. Ah bah c'est parti, c'est raté, hein, c'est dommage. Hein. Bah oui, bon, franchement, franchement, je suis super déçu. Donc la Gay Pride est en péril alors. Hein. Bah oui, comment on va faire? Ah bah là, vous allez pas faire, à mon avis, hein, mais bon, tant pis. Hein. Bah bon, oui, mais c'est triste. Jean-Claude, à bientôt. Bah sur le char peut-être. Bah j'espère. Bah j'espère aussi pour vous. Hein. Allez, au revoir. Ah oui, à bientôt. Allez, au revoir Jean-Claude. Dans un instant, l'info, Julie arrive, il y aura aussi David Guetta. Avec Little Bad Girl sur Fun Radio, 8h59. Mickaël à la radio, Fun. Tous les matins. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Fun Radio. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Bonjour Mickaël, c'est Alizée Poulitschek. Je voulais te dire quelque chose. Je t'aime. Bon merde, je me suis gouré. À la radio. C'est le message qu'elle a laissé sur mon répondeur. Non, moi je suis un petit peu étonnée parce qu'elle n'avait pas l'air de réagir vraiment comme ça quand on l'a reçue dans les studios. Oui, mais c'est normal, c'est parce que c'est une longue histoire entre elle et moi. Ah, d'accord, c'est ça. On préférait garder ça secret. Pourtant, elle est très très maquée et je pense pas que son mec apprécierait. Oui, bah. Il est assez baraqué quand même, son mec, ancien joueur de football. C'est bien, que je ne suis pas jaloux. Ah oui, bah, je pense par contre que lui doit être. Bah écoute, c'est normal. Mais il a de quoi, il a de quoi quand tu regardes mon beau regard, mon beau visage. Par contre, j'ai jamais joué au foot. Ah, tu ne fais. Non, sauf calme-toi. Non, mais, oui, là, non, mais Mickaël, tu ne fais pas peur, ce n'est pas une menace. En même temps, jusqu'à preuve du contraire, c'est à moi qu'elle a dit je t'aime, pas à l'autre. Hein, donc bon. Enfin, en c'est tout vrai, cas, mais la radio. Peut-être qu'il a aussi le prénom de Mickaël, on ne sait pas. Bah oui, bah peut-être. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je ne sais pas. Bon, allez, je répète la petite devinette qui colle. Chacun à la sienne que nul ne doit copier, car l'imiter peut nous faire emprisonner. Fameuse et attestée, elle est collectionnée. Et pourtant, une simple croix peut la remplacer. Julie avait dit dédicace tout à l'heure comme indice. On disait un autographe. Non, bah non, dédicace, autographe, c'est la même chose. C'est la même famille, on va dire ça comme ça. Dimitri proposait une photo. Ce n'est pas la bonne réponse non plus. Et puis un message qui dit Mika, je participe depuis plus d'un mois, je suis jamais repris. Ouais putain, j'ai le même problème avec l'euro million, c'est casse-couille. 9h02 sur Fun Radio, l'information maintenant avec Julie Simpson. Salut à tous, Michel Martin n'avait en réalité aucun plan de réinsertion. Et c'est ce qu'on peut lire dans le rapport du jugement du tribunal d'application des peines de Mons qui avait rejeté sa nouvelle demande de libération conditionnelle. Les avocats de l'ex-femme de Marc Dutroux n'ont présenté aucun plan de réinsertion pour leur cliente car ils considèrent sa détention comme illégale étant donné que précédemment une décision de justice avait autorisé sa remise en liberté. Ses avocats estiment également que le ministre de la Justice s'est immiscé dans le dossier de manière abusive pour faire échouer cette libération au final. La prison de Verviers pourrait fermer ses portes plus tôt que prévu. Le bourgmestre Claude de Sama tape du poing sur la table. Il demande au syndicat de trouver un accord avec la direction alors que les gardiens sont toujours en grève. Et il demande au conseil des ministres de trouver des solutions concernant le délabrement du bâtiment. La prison devait être évacuée à la fin du mois d'octobre, mais le bourgmestre menace de vider le bâtiment demain si le dossier n'avance pas. Mais les syndicats Mais les syndicats répondent que vider la prison de Verviers demain est quasi impossible car il faut prévenir les corps de sécurité et il faut que les établissements d'accueil aient des possibilités d'accueillir les détenus. Le quotidien flamand Eut Nieuwsblad révèle que le détenu échappé dimanche de la prison de Merksplas est l'un des criminels les plus recherché en Europe. Le ressortissant albanais est accusé d'un double assassinat. Les autorités albanaises ont demandé son extradition à la Belgique il y a quelques semaines. L'homme est également poursuivi en Italie et en Espagne pour trafic de drogue et autres attaques. Les bus de Tech Charleroi rouleront normalement aujourd'hui. Hier, les chauffeurs étaient en grève en réaction à une nouvelle agression survenue à Gilly où un bus a à nouveau été la cible de jets de pierre. La police a promis des renforts dans cette zone et on apprend ce matin qu'une nouvelle agression a eu lieu hier soir dans un bus à proximité de l'aéroport de Charleroi. Un chauffeur a prié un passager sans titre de transport de descendre du bus. Une bagarre a éclaté et le chauffeur a fini sa journée à l'hôpital. En 6 mois, près de 9000 chômeurs ont été privés temporairement ou définitivement d'allocations par l'ONEM. C'est donc un quart de plus que l'année dernière. Le nombre de ces sanctions est deux fois plus élevé en Wallonie qu'en Flandre. Il ne faudrait pas pour autant conclure que les chômeurs wallons refusent davantage de travailler, a averti l'ONEM. Les bureaux wallons ainsi que bruxellois suivent de plus près les chômeurs de longue durée dans leur recherche d'un emploi. En France, la romancière Tristan Bannon et Dominique Strauss-Kahn vont être confrontés l'un à l'autre par la justice. À la demande de cette dernière qui accuse DSK de tentative de viol. Les faits se seraient produits en 2003. DSK nie farouchement les faits. Et puis enfin en sport, en phase de groupe de Ligue des Champions, Genk s'est incliné 2-0 face à Leverkusen. 9h05 sur Fun Radio, c'est la météo maintenant. L'anticyclone toujours positionné sur le centre de l'Europe nous protégera encore et il nous garantira un temps chaud et très ensoleillé. Cool. Température jusqu'à 27 degrés le reste de la semaine et le week-end s'annonce sous le soleil. Très bien, 9h05 sur Fun Radio, l'info en plus, ça va arriver. Par contre, dans 30 secondes, on va également vous payer vos factures pour la dernière fois ce matin. 63-22, débutez le message par facture avec le montant de la facture et l'objet de la facture. Restez là, c'est dans 5 minutes que ça se passe. Fun Radio. Radio. 9h06 sur Fun Radio. Passons maintenant à l'info en plus. Vous avez toujours rêvé d'évaluer vos ex. Vous venez de vivre une rupture douloureuse, vous voulez un petit peu vous venger ou justement vous êtes très copain encore avec votre ex et vous voulez le conseiller à d'autres. Eh bien, il existe maintenant un site internet qui s'appelle X-Rated pour donner des points à vos ex. Donc vous avez un petit questionnaire de 2 pages et vous pouvez répondre à des petites questions comme par exemple quel type de relation vous avez vécu, des conseils que vous donneriez pour bien s'entendre avec votre ex, ça c'est pour les prochaines conquêtes, votre appréciation sur son hygiène, aussi, son intelligence. En fait tu mets des petites étoiles quoi. Voilà, c'est un petit peu ça. Et puis après à la fin les ex obtiennent une note globale. Donc vous pouvez retrouver tous les ex sur ce site X-Rated. Donc vous pouvez aller vous renseigner sur un possible amoureux que vous avez en tête et vous pouvez aller vérifier quelle note il a eu sur ce site internet. Donc le créateur du site annonce que vous n'iriez pas dans un restaurant qui n'a jamais été évalué. C'est comme c'est ça un petit peu qu'il justifie son site internet. Et moi, je vais conclure par un homme averti en vaut deux. Ouais, en gros, c'est ça. Et puis surtout, c'est un peu le concept de l'Apple Store, par exemple. Quand tu achètes une application, bah, tu mets une petite étoile si t'es content. Et si t'en mets pas, bah, c'est que t'es pas content. Oui, en gros, c'est ça. Ouais. Tu conseilles ou tu conseilles pas ton application, bah, là, voilà. Tu conseilles ton mec. Tu conseilles ou tu conseilles pas ton ex. Oui, ton ex, en l'occurrence, effectivement. Ouais. 9h07 sur Fun Radio. Les factures, on les rembourse dans quelques instants. Qu'est-ce qui est tombé là? 100 € pour un PV. Ah bah oui, mais il faut mieux rouler maintenant. Hein. 108 € pour Beliacom, 81 € pour la chambre de ma fille, 98 € pour des livres scolaires, 75 € pour l'électricité, c'est Yvonne, 100 € pour Electrabel, 147 € pour Beliacom. Bon, bah on va appeler quelqu'un d'entre vous dans quelques instants. Et puis, je rappelle qu'on a déjà fait péter plus de 1500 € de factures depuis le début de l'émission. On est très, très fort. C'est-à-dire depuis peu de temps très, dans l'absolu. Surtout. Oui, bah enfin beaucoup moins maintenant. Hein. 9h08 sur Fun Radio, avant de faire péter les factures, c'est David. David Guetta qu'on écoute maintenant avec Little Bad Girl. Bonne matinée sur Fun. David Guetta sur Fun Radio, Little Bad Girl, 8h11. Ça me rappelle que j'ai encore des places à vous filer, encore 2 places à vous offrir là, ce matin pour aller à la soirée de Landrin. Donc c'est sur le site de Landrin, tout près de Liège, pour aller assister à la soirée qui risque de tout déchirer avec David Guetta. Ah ouais, non, bah, David Guetta au platine. Ça risque de mal, bien déchirer. Ouais. Le mec ne sort quand même que des tubes. Hein. C'est ça, ça peut être du très très lourd. Et donc il se déplace à Liège demain soir. Et donc voilà, il offre ses places là maintenant qu'on vous file sur Fun Radio. Puisque c'est normal, un peu David Guetta, DJ, la radio du son Dance Floor, Fun Radio. J'ai envie de dire que c'était un mariage. Puis on un peu est logique. Juste sur tous les bons coups et puis c'est tout. Voilà, donc on vous file ses places là maintenant. C'est pour ça que je suis là d'ailleurs. Non, pas du tout. 63-22. C'est une erreur. 1 euro le message. Qu'est-ce qu'on peut poser comme question sur David Guetta? Tiens. Alors là, j'hésite là. Tu hésites. Ah oui. Enfin non. Le problème c'est qu'on peut même pas dire quel est son dernier titre. Ah non, parce qu'il y en a tellement. On peut même pas dire quel est qu'est-ce qu'il a fait comme duo, parce qu'il y en a tellement. Ah oui, non, j'aurais dit, bah, je sais même pas si c'est peut-être un peu vaste. La destination de vacances où on peut écouter Ouais, où il fait ses soirées, quoi. Ouais. Où il a sa propre boîte. Voilà, ouais. Voilà, la destination, exactement. En plus, c'est un bon indice parce qu'on vous a envoyé là-bas là, il y a 2-3 semaines. Voilà, on a fait gagner un auditeur là qui a pu partir direction cette petite île. Voilà. 63-22, si vous avez la bonne réponse, on vous file vos places pour la soirée David Guetta. Ce sera demain soir sur le site de Landrin. Et puis, bah, pour ceux qui n'ont pas leur place et qui n'ont pas gagné, sachez qu'il en... il y en a encore des places disponibles. Avant de payer les factures, car oui, nous sommes en retard comme d'hab, nous avons avec nous Jawad. Salut Jawad. Ouais, salut. Comment ça va Jawad? Ça va, super. Bon, bah, bienvenue à toi, t'appelles de Bruxelles, 104.7 pour écouter Fun à Bruxelles dans la capitale. Et tu as 23 ans, tu appelles pour la petite devinette qui colle. Je la répète, chacun a la sienne que nul ne doit copier, car l'imiter peut nous faire emprisonner. Fameuse et attestée, elle est collectionnée et pourtant, une simple croix peut la remplacer. Jawad ? C'est la signature. Ah bah c'est la signature, effectivement, voilà, bravo à toi. Rien de bien compliqué. Merci. En tout cas, ça te permet de repartir avec soit les places pour le parc Astérix, soit un écran plat, soit le pack avec Nintendo Wii, soit la micro chaîne Philips, soit l'appareil photo numérique Samsung. Tu vas gérer ça au standard, tu choisis au standard, d'accord? Ok, merci beaucoup. Salut à toi, à bientôt. Allez, ciao, et on remettra le couvert bien évidemment dès demain. En attendant, on va payer la dernière facture là. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. Voilà, tous les matins on paye les factures et c'est parti. On rappelle maintenant quelqu'un qui s'est inscrit au 6322 avec le code facture. Julie, 1000 euros, porte de polo. Non, ça ne passera pas ça. Ah hein. Oh non, zut. Ah non, ça. Comment tu m'as capté? Oui, je t'ai. Bah oui, mais c'est rare, hein, des Julie qui ont des portes de polo des cabossés. Ouais. C'est assez rare. Hein. Depuis bon. 2 mois maintenant. Voilà. On rembourse combien ta flamme? 65 allô euros. Ah, allô, bonjour. Oui. Bonjour. Qui te paye tes factures tous les matins? C'est Mickaël, tu peux faire radio. Mais oui, évidemment. On vient de le réveiller, je pense. Bravo à toi. On va te rembourser une facture de 65 euros qui correspond à quoi? En fait, c'est la cotisation de badminton de ma fille. D'accord, eh ben écoute, pas de problème. Comment tu t'appelles au fait? Vincent. Vincent, eh bien écoute Vincent, on va te payer la cotisation du badminton de ta fille sans problème, 65 euros. On va t'expliquer comment faire pour récupérer cet argent. Merci beaucoup. Mais je t'en prie, il n'y a pas de problème. Tu viens dans quelle ville au fait? D'accord, très bien. Eh ben écoute, t'embrasses ta petite fille et puis tu reviens quand tu veux sur Fun, d'accord? Merci beaucoup. Je t'en prie, à bientôt. À bientôt. Salut. Ah, on est presque à 1600 euros d'oseille offert là. On a encore pris 100 euros. Non, on ne s'arrête pas là. On ne s'arrête pas là, c'est vrai. D'ailleurs, on va pas s'arrêter là. Puisque, bah, souvenez-vous, on avait aussi filé des places pour Britney Spears. Là, ça va vous remémorer des choses dans quelques instants. Et on va aussi écouter le son des Maroon 5. Avec Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Ça va arriver avec l'horoscope de Doudou dans un instant. Ne bougez pas. Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. Tous les matins, 6h-9h30, Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Concert à Paris le 6 octobre. Les dernières places sont à gagner sur Fun Radio et on appelle maintenant. C'est parti. Allô. Bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle Anne. Salut Anne. Tu veux aller voir le concert de Britney? C'est trop chouette. Oh, et ben voilà, on va te filer tes deux places. Je suis vraiment super contente. Mais j'espère bien. Je te fais des gros bisous en tout cas. Tes deux places pour le concert de Britney Spears, tu les as gagnées ce matin sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Rendez-vous dès 6h. Sur Fun Radio. Fun Radio. Mickaël à la radio. Salut, c'est Cartman. C'est toi aussi, tu t'es tapé la mère de Kyle hier? Ta gueule, Cartman. Écoute, Mickaël à la radio, 6h-9h30 sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Fun Radio. Les Maroon 5 sur Fun Radio avec Christina Aguilera. C'était Moves Like Jagger en 9h21. Fun Radio. Fun Radio. L'horoscope. Et on passe maintenant à l'horoscope. Doudou, j'ai une bonne nouvelle. Ah bon, je vais pouvoir prendre des congés demain? Ah non, non, non, Julie est d'accord? Ah bon, d'accord, de quoi? Des congés, non? Non, pas trop, non. C'est moi, j'ai pas de congés, non, Doudou non plus. Non, non, donc voilà, donc c'est ça, voilà. Non, elle est d'accord pour les crapauds, le sang du poulet, etc., etc., quoi. Ah, oui, ouais. Je me suis fait à l'idée. Ah bah attendez, je comprends pas, elle voulait pas. Oui, mais depuis, elle s'est rendue compte que c'était pire, alors bah forcément, elle est d'accord. Bah oui, mais j'ai là... compris que Doudou était un vrai marabout. Mais oui, mais là, je n'ai pas mon matériel, et puis le poulet, je l'ai mangé. Ah bah oui, bon, enfin bon, écoutez, bah, trouvez un autre pour demain alors. Bon, écoutez, je vais aller voir si je trouve ça. Bon, bah faites ça alors. Bon, allez, on va commencer par les béliers pour l'horoscope. Alors, même si vous avez le sentiment que tout le monde s'est joué contre vous, Vous vous trompez, ce n'est pas vrai. Ah bah ça doit être ça. Les taureaux. Une journée difficile s'annonce et va exiger beaucoup de vous. Les gémeaux. Vous allez résoudre une dispute familiale grâce à votre habileté. Les cancers. En amour et dans votre vie de couple, tout est en ordre. De nouvelles portes vont s'ouvrir. Les lions. Faites des changements en douceur et de façon réfléchie. Les vierges. Votre ton ironique ne vous fait pas que des amis. Les balances. Soyez plus diplomate. Les scorpions. Ce n'est pas toujours la meilleure chose à faire que de travailler dans la précipitation. Les sagittaires. Aujourd'hui, vous avez besoin de beaucoup de câlins. Les capricornes. La routine vous a de nouveau. La semaine va être éprouvante, moi je vous le dis. Bah oui, les Verseaux pour l'avant-dernier. Arrêtez de broyer du noir, vous n'avez aucune raison. Et enfin, pour finir, les poissons. Après le sport, il faut penser à faire un petit massage pour détendre vos muscles. Mais oui, bien évidemment. Bah oui, évidemment. Bon, merci Doudou, on vous retrouve la semaine prochaine, pas du tout, demain. Mais oui, demain, je viendrai avec la poule. Et bah très bien, bah revenez avec la poule et puis on fera le truc avec Julie là pour que son signe soit meilleur dorénavant. Mais ouais. Oui, pour que ça aille mieux dans sa vie. Exactement. J'en ai besoin. Mais oui, je le sais, je le sens. Bon, 9h23 sur Fun Radio, bonne matinée tout le monde. Dans quelques instants, la réponse à la petite question pour repartir avec vos deux places pour aller sur le site de Nandrin demain, assister au show de David Guetta. Quelle est son île fétiche où il y a sa boîte dessus? En gros, c'est un peu ça, hein. On a un peu remodelé la question, mais la réponse est toujours la même. Oui, c'est l'île où... Ouais, la destination... D'ailleurs, c'est destination pour clubbers. Faire la fête. Ouais. Voilà, exactement, c'est le Clubbing Island. C'est là que tu vas pour sortir tous les soirs et même sortir la journée. Ils auraient dû l'appeler comme ça, Clubbing Island. Ah, oui, c'est vrai. Ça aurait plus la classe comme ça. Hein. Bon, allez, 63-22 pour la bonne réponse, 1 euro le message. Bonne chance. Et côté son maintenant, son découvert sur Fun Radio. Mais oui, on n'est pas peu fiers. Une fois plus. Side DJs. Mais oui, c'est Never Be Alone sur Fun Radio. Bonne matinée. 9h27 avec Deepside DJs à l'instant et oui, on en parlait hier, souvenez-vous, effectivement, le mec, le français qui a gagné les 162 millions d'euros à l'euro million dans le Calvados en France n'a toujours pas été chercher son argent, hein, il faut le savoir, et que on a appris en fait que chaque jour, il perdait 9000 euros, en tout cas, il ne les gagnait pas. Voilà, et ça c'est... En fait, en mettant cet argent, donc 162 millions d'euros sur un compte en banque à la con qui rapporte que 2% d'intérêt, eh bien on gagne 9000 euros par jour. Putain, c'est un truc de dingue. Donc ouais. C'est-à-dire que tu peux vivre largement avec ça sans toucher au pognon de base. Ah ouais, tout à fait. C'est un truc de dingue. C'est cool. C'est un truc de psychopathe. Ça m'a j'ai dit une expression qui va choquer Julie, mais ça m'a troué le cul. Oui, bah oui, bah, moi aussi, je peux le dire. Oh mon Dieu! Bah attends, 9000 euros par jour. Pour 9000 euros par jour, effectivement, ça peut le faire. Là, il y a de quoi devenir un peu vulgaire. Tu m'étonnes, surtout quand le mec va pas le chercher, tu vois. C'est-à-dire que... Mais à mon avis, il est décédé, le mec, quoi. Écoute, alors il a perdu son ticket, mais non, il se serait peut-être déjà... Bon, il aurait été le dire peut-être à la Française des Jeux, il aurait été dire j'ai perdu mon ticket et il serait passé dans la presse, je pense. Mais peut-être. Le mec doit être décédé parce qu'on dit, on dit bien que c'est en Normandie, on dit. Enfin, tu vois. Ouais, mais ça. Tu vérifies, quoi. Non, parce que regarde, moi par exemple, quand je joue à un quick pick, je joue au hasard, je sais pas si je gagne ou pas. Oui, mais attends, Mickaël, on dit un gars à Bruxelles, un Belge, a gagné 162 millions d'euros, tu vas d'office vérifier si c'est pas le tien. Ouais, mais si t'as pas ton ticket, si tu l'as perdu ton ticket, tu peux pas savoir. Si tu l'as perdu, ok, mais moi je pense que j'irais prévenir la Française des Jeux, j'irais dire ouais, c'est moi et je l'ai perdu. Donc ouais, je pense, c'est ce que j'explique, je pense que les médias l'auraient su s'il l'avait perdu, donc je pense que le gars il est décédé, quoi. Sinon je vais me domicilier là-bas et je dis ouais, voilà, j'ai perdu mon ticket moi. Non, ça ne change rien, il aurait pas reçu son argent, mais je pense que l'info serait passée dans les médias, enfin je crois. Peut-être, je ouais, sais pas. Parce qu'il faudrait... Je pense que si t'as perdu ton ticket, t'as perdu. Hein. Ah oui, oui, ah, bah, ça c'est clair. Ah oui, oui, bah, oui. Ah, non, je dis pas qu'il allait récupérer l'argent, mais je pense que l'info serait passée dans les médias. Ça aurait été tellement énorme que... Ah oui, non, c'est clair. Bon, enfin bon, bref, on va pas en faire non plus toute une histoire. De toute façon, l'argent n'arrivera pas chez nous, c'est le principal. Ouais. Bon, nous avons qui pour jouer avec nous pour David Guetta? Bonjour. Nous avons Jérôme. Salut Jérôme. Allô. Comment ça Bonjour. Va Ça va bien Jérôme? Ça va bien. Bon, bah, bienvenue à toi Jérôme. Alors, t'as quel âge? Dans quelle ville Jérôme? J'ai 20 ans, je viens de Liège. 20 ans de Liège, bah, c'est bien. Ah bah, tiens, on l'aura deviné tout seul, je pense. Bah oui, bah t'es pas loin en plus de la soirée sur le site de Nandrin, c'est très bien ça. Bon alors, 20 ans de Liège, c'est parfait. Et tu as la réponse à la petite question là. Quelle est l'île fétiche de David Guetta où il a sa boîte et où il veut faire ses soirées en règle générale? Ibiza. Bah, oui, voilà, c'était pas bien compliqué. La destination des clubbers. Bah voilà, c'était effectivement ça. Clubbing Island. Eh ben écoute, bravo à toi, ça te permet de repartir avec tes deux places pour aller assister au show de David Guetta. C'est demain soir, ça se passera sur le site de Nandrin, dans la région de Liège, donc tout simplement avec David Guetta qui sera sur place évidemment. Et pour tous les autres, rassurez-vous, bon, on n'a plus de place à vous filer maintenant, mais il y a encore des places disponibles, vous pouvez les acheter si vous voulez, il n'y a pas de problème. Voilà, voilà, passe une bonne journée. Merci à toi aussi. Merci à toi, à bientôt, ciao. Ciao. Eh ben voilà, ça fait plaisir, tiens, une petite place qui sont partis là comme ça. Oh bah ça va être énorme cette soirée, je pense. Je pense que ça va être énorme. Tu y vas toi? Non, j'ai malheureusement pas l'occasion d'y aller, sinon je pense que j'aurais été faire un petit tour. Ah, c'est dommage. Bon, mais tu es très déçu. Bah oui, oui, bah j'aurais oui, bien voulu te voir te trémousser sur le dance floor. Bah bien sûr, sur le dance floor. Ah, c'est quelque chose. Taquet. Oh là là. Bon, allez, dans un instant, c'est Lucas qui arrive. Lucas avec le self, comme chaque matin sur Fun Radio, vous faites la prog avec lui. Pour ce faire, c'est simple, vous envoyez un petit SMS au 3044 en débutant votre message par self et vous choisissez vos disques, tout simplement. Ou alors, si vous voulez le faire, c'est gratuit. Sur son mail, c'est lucas@funradio.be. Jasmine arrive derrière aussi à partir de 13h avec bien évidemment les meilleurs sons dancefloor et pure dancefloor. Et ensuite Evan qui aura son invité aujourd'hui à partir de 17h. C'est la tribu et l'invité c'est le colonel Rayel qui sera avec Evan à partir de 17h. Voilà. Et la libre antenne aussi bien sûr avec Vince à partir de 20h. On a fait le tour. Passez une bonne journée tout le monde sous le soleil. Profitez-en bien. La crème solaire. Le monoeil. Mettez-moi directement le monoeil hein, parce que le soleil on va pas la voir sans s'étendre non plus. Donc pour l'hiver c'est bien. Profitez-en. Hein. Voilà, et puis voilà, bah bon vélo à ceux qui vont faire du vélo. Non, non, on ne souhaitera pas ça, non. Ah. Tu n'as vraiment que ça à faire. Très bien, et je me souhaite encore une fois bonne fête puisque c'est la Saint-Michel aujourd'hui. Donc c'est cela, oui. Je m'auto-souhaite. Moi, je te souhaite une belle fête. Journée et à Toff aussi. C'est gentil. Oh. De toute façon, on se retrouve tout à l'heure. Mais oui, c'est quoi, ça. Quoi? Pourquoi? Pourquoi? Mais pourquoi tu fais ça? Parce qu'ils vont rejoindre ton autre travail. Mais, non, mais j'ai pas envie. Mais non, mais c'est pas le choix. C'est parce qu'ils vont faire l'amour toute la journée. Non, non, je ne crois pas. Certainement pas. Mon amoureux qui m'écoute, je l'embrasse très fort. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Vous manque déjà? Mais c'est un cauchemar. Pas de panique. Mickaël à la radio revient demain dès 6h. Préparez votre réveil. Fun Radio.